Bonjour et bienvenue à tous les amis dans Beyblade Podcast, votre émission sur les nouvelles du Beyblade. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Cyber Tsuna Storm et Playmaker. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Salut à tous. Voilà, donc on va présenter un peu l'émission parce que c'est le premier épisode. Aujourd'hui, en fait, on va analyser et vous présenter les news qui sont arrivées récemment, donc dans le dernier mois, pour pas prendre trop loin. Et puis on va en parler tous ensemble, voilà. Et puis on vous invite bien évidemment, vu qu'on est sur YouTube, à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça. On précise aussi, si jamais vous voulez des news un peu plus concrètes et un peu plus mieux écrites, on va dire, parce que là on fait ça à l'oral sans texte, on fait ça sur le tas, on vous invite à aller sur Beyblade Espace, là il y a toutes les news si vous voulez, c'est bien rédigé, c'est propre. Voilà, est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Yes. Ouais. Ok, nickel. On va résumer un peu les news. On va parler aujourd'hui de la nouvelle chaussette Achilles. On va dire aussi un peu un mot sur le système Kyakusei, dire ce que tout le monde en pense, parce que c'est, elle fait partie un peu du trio des Bay qui a instauré ce nouveau système. C'est complexe. Ouais, c'est... Pour être honnête, on va en parler, mais en même temps, à part Playmaker, aucun de nous des Kyakusei, et forcément on peut parler en termes que de théorie, parce que vu qu'on n'a pas le matos entre les mains, ça va être assez compliqué. Merci de me rappeler mon extraordinaire retard. Non mais on est tous en retard à ce niveau-là, puis bon... Manu, oui, non mais c'est, on va dire que c'est Playmaker qui est en avance. Puis, comme puis ça, au niveau économique, temps, bon, voilà quoi, bon, voilà, ça coûte assez cher au bout d'un moment. Mais bref, du coup, on va parler de Chaussettes Achilles, Air Knight, donc la nouvelle baie iconique du Random Booster, et puis on va aussi parler du Random Booster en particulier, parce que les autres baies ont des pièces assez intéressantes, notamment des nouveaux Driver Dash et un Level Ship sur une Fornaeus, il me semble. C'est ça. On va parler aussi du Korokoro Aniki du mois de février, il me semble, et... d'un bandeau sur une double page qui a fait hurler tout le monde, enfin pas vraiment mais plus la communauté française. On va en parler calmement et puis on verra ça. Et aussi on va parler aussi potentiellement de la nouvelle Dead Phoenix, donc l'évolution de Revive Phoenix, oui déjà. Pareil pour Achilles, hein, c'est déjà aussi. Oui voilà aussi, et du coup qui a le driver atomique et le disque 0. Du coup on peut en parler parce qu'on connaît déjà à peu près les pièces. Voilà, donc on va commencer par la nouvelle Chaussettes Achilles 00 Dimension, si je me trompe pas. Du coup, on commence par le plus général, le système Kyakusei. Alors, pour ceux qui connaissent pas, même si tout le monde en a parlé, c'est un système qui permet justement aux Bay en particulier de ces systèmes de ne pas burst à un certain niveau de force du lancer. En gros, vous devez lancer votre baie super fort et à partir d'un certain stade, ça va débloquer des crans qui vont bloquer le burst entre guillemets. C'est assez complexe, on vous invite encore une fois à consulter une news pour mieux comprendre ça. Mais voilà. Du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce système Kyakusei c'est quoi votre avis par rapport notamment à l'équilibrage, le metagame, même si on va pas trop s'étaler sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez en général? Moi j'ai qu'un truc à dire, ça pue sa mère sur le papier, voilà. J'ai pas encore testé, je peux pas parler, mais sur le papier, ça pue sa mère. C'est ça, le truc c'est que, pour reprendre ça, c'est que même si on n'a pas testé sur le papier, déjà, je trouve que c'est une aberration d'aller à l'encontre du système que t'as instauré depuis le début, quoi. En fait, le système burst, et là t'as des bails qui ne burst pas, quoi. Alors oui, je suis d'accord, ça fait rêver quand t'es un fanboy, tu dis « Oh putain, ça, c'est une baie trop craquée, etc. » Le problème, c'est que ça apporte tout un tas de problèmes. C'est un peu le truc, le problème que j'avais eu moi avec Spriggan Requiem un peu à l'époque, c'est que vraiment, autant de Rain Fafnir par rapport au Spin Steel, etc., c'était uniquement une toupie à rotation inversée, du coup... T'avais la potentialité de pouvoir la contrer avec une toupie à rotation inversée, mais là elle était dans les 200 de rotation, du coup elle était beaucoup trop modulable à mon sens, et ça faisait un certain déséquilibrage. Et là pour moi, le système Kyakusei, c'est un peu le même délire, ils sont partis un peu trop loin. Déjà que pour moi, les chaussettes, je trouvais qu'ajouter du métal et donc du poids par rapport à des baies qui sont déjà en plastique, c'est limite, mais ça, moi, ça me. Ça... Ça me fait un peu reculer quand je le vois de loin. Mais à voir, à tester, parce que comme on dit, à part Playmaker, on a rien testé. Mais sur le papier, nous, ça nous ravit pas. Sinon, du coup, toi, Playmaker, ouais, t'as un avis à donner, parce que le tien sera certainement plus pertinent, vu que bah, t'as une Kakusei. Enfin, plusieurs. J'en ai deux. Ouais. J'ai deux Kakusei. J'ai Chasseuse Frigal et Chasseuse Valkyrie. J'en ai déjà parlé plein de fois dans les vidéos. Ouais. Mais en fait, c'est un Kakusei. Déjà sur Valkyrie, il est dur à désactiver. Ouais. À activer. Il est super dur. Genre en fait, c'est bon d'activer, il faut que tu aies un lanceur long. Donc tu sais, les machins avec les ficelles. Oui, mais plus bah, enfin, du coup, c'est pas pour rien qu'ils ont sorti le long R et le long L. C'est pas pour rien. Pour un long, le lanceur de Phoenix, à la rigueur, et encore. Oui, ouais, le lanceur Phoenix, on rappelle, le machin qui a une crémaillère encore plus longue qu'un long light à launcher. Peine plus longue, hein. Elle est à peine plus longue, la crémaillère. Non, non, mais je suis d'accord, mais c'est juste un concept de toujours plus, quoi, en fait. Ou alors, la rigueur, un Digital Sword Launcher, mais bon, je te conseille pas l'acheter. Ouais, bah, Digital Sword Launcher, le problème avec, c'est que il coûte dans les 40 balles, il me semble, les 40 balles pour un launcher, bon... 30, je l'ai trouvé à 30 dollars. À 30 balles, ouais. Ouais, 30, 32 dollars, j'ai pu le voir sur certains sites. C'est un peu moins, mais bon, ça reste quand même... Ça reste cher quand même, moi. Bah, disons que si tu peux t'acheter deux bays pour ce prix-là, quoi. Ouais, voilà, quoi. Voilà, on va parler comme ça, deux bays pour un lanceur, faites le calcul, quoi. Ouais. Après, à la différence d'une baye, un lanceur, souvent, quand t'as trouvé ton lanceur, oui, tu le gardes, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça, tu le gardes. Sauf s'il casse. Mais là, on joue avec Butakara, Tsunapak de la droite. Oh, j'ai déjà cassé. On commence pas tout de suite. Pardon, je m'excuse. Ce sera non, non, mais ce sera la seule blague. Ce sera la seule blague que je ferai dessus de toute la séance, c'est promis. Bien sûr, on rigole. Mais ouais, du coup, tu me disais que c'était vraiment dur à activer. Alors après, ça, je pense que c'est assez subjectif en fonction des personnes qui l'utilisent. Et en même temps, au niveau des fabrications des bails, parce qu'on en reparlera avec Chaussettes Achilles et notamment son disque zéro. Oh putain, ouais. Il y a des choses qui ont varié chez Takara, je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, son disque double zéro là. Ouais, mais on en parle juste après. Mais voilà, du coup, vous savez ce qu'est le système Chaussettes Kakusei. Aussi, juste pour préciser, en fait, le Chaussettes Kakusei fait sortir des petites lames en fait du layer. Et du coup, pour Chaussettes Achilles, qui est une toupie censée être. Équilibre, clairement équilibre. Équilibre, ouais, voilà, sur la défense et sur l'attaque. Et bah, du coup, en fait, elle a des lames de Chaussettes Kakusei qui sont en attaque sur les côtés. Au montage, je montrerai ça et puis vous verrez. Et défense de haut en bas. Du coup, moi, dans un sens, moi, je trouve ça assez intéressant. Mais. Moi, si je peux. Vas-y. Enfin, par rapport à ce que justement, moi aussi, au début, clairement, j'étais de l'avis de Tsuna, quoi. Quand j'ai vu le truc arriver, j'ai fait. Non, quoi. pour moi, c'était complètement con parce que justement, ce qui faisait que je défendais Burst par rapport à la Metal Fight qui était pourtant déjà vraiment très très bien, c'était ce côté justement fin de game où j'en avais marre de voir des toupies une fois que le gros de la rotation était passé, on s'ennuyait. Il y avait un truc inattendu. Quoi. Oui, C'est ça, jusqu'à la fin, t'étais là, tu vois, c'est bon, il a gagné. Et là, bim, voilà, tu vois, il y avait ça. Oui. Et là, je vais entendre dire, vous êtes en train de m'enlever ça, il n'y a plus aucun intérêt, autant retourner jouer avec des toupies en métal. On a eu certaines vidéos où il y a des combats viables entre Chaussettes Valkyrie et des Galaxy Pegasus. Cosmic Pegasus est encore plus lourd, donc c'est dire. Donc, Big Bang Pegasus. Ouais, Big Bang je tiens à rappeler à nos chers auditeurs que mélanger les générations est tout à fait proscrit si vous voulez garder vos toupies en un seul morceau. Ouais, parce que bon, du métal contre du plastique, hein, faites vite le calcul aussi, là, ça va pas faire bon ménage. Après ce temps, ça peut te rassurer, le Kakusei, ça concerne, j'espère, hein, que 3 toupies. Moi aussi, mais j'espère qu'ils vont s'arrêter là, même si dans un sens, pour moi, le mal a déjà été plus ou moins fait. Oui, des fois il suffit d'une seule toupie pour casser une méta. Mais oui, c'est ça, genre, je reprends cet exemple, j'ai rien contre cette baie, je l'aime autant que les autres. Hein. Mais vraiment, j'ai pris Gan Rekuyem, mais au championnat du monde, quoi, sans déconner, c'était la baie la plus jouée, quoi. Alors, je suis d'accord. Ah, en Asbro, on a vu des. Il y avait Balkesh aussi. Il y avait Balkesh qui a été extrêmement joué quand même. En fait, il y avait les deux. Non, mais c'est ça le problème. La troisième, elle était au pif des moments. Bah, il y avait Kalzar. Ouais. Oui. Il y en avait une. Un peu Kalzar, pas tant que ça. Le Canadien, je crois, l'avait joué, mais. Je ne me rappelle pas. Le Canadien, il me semble, fini en finale, si je ne m'abuse. Ou je dis de la merde. Non, demi-finale. Non, non, demi-finale pour le Canada. C'était Corée. Après, je sais plus c'est quel pays qui avait porté ses balls. Le mec est arrivé avec une God Valkyrie. J'étais en mode ah. Bah, oui, yes, mon pote. En qualification, mais il s'est fait défoncer, le pauvre. Bah, oui, non, mais moi j'avais trop espoir que celui qui aille en mode vas-y, prouve-leur. Ça a pas marché. Mais vous voyez, c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens, bah, d'ailleurs, a raison. Disent, il n'y a pas de toupie invincible. Je suis totalement d'accord avec ça, mais le problème. Je suis 100% d'accord là-dessus. C'est que. En tout cas, dans la méta Takara. Ouais, mais le truc, c'est que. J'ai pas assez bossé la méta Asbro pour me permettre de donner mon avis aussi tranché là-dessus. Mais après, pareil, le truc, c'est que je me dis, c'est pas parce qu'une toupie n'est pas invincible qu'elle n'est pas craquée. C'est ça que. Oui, bien sûr, ouais, ça, j'ai jamais dit le contraire, ouais. C'est ça le truc. Oui, voilà, c'est sûr que ça peut aider, ça peut faire tendre la balance. Ça, par contre, j'ai aucun doute là-dessus. Parce après, que... ça dépend en fait si on joue les stats ou si on joue le fun. Oui, bah bien sûr. Ouais, bah, parce que moi, c'est souvent une comparaison que j'aime bien faire avec Beyblade, c'est que c'est souvent un peu comme Smash Bros. Tu peux autant jouer pour le fun que pour la compétition, et c'est ça qui est cool. C'est ça. Ouais. Voilà, et moi, par exemple, tu vois, enfin, c'est on aura beau, je vais toujours chercher à privilégier, on va dire le fun et le spectacle à la victoire. C'est-à-dire, je préfère perdre avec un match magnifique. Que gagner avec un match bidon quoi, un truc bâclé quoi. Oui bah c'est sûr. Ouais. Non mais puis en même temps j'ai envie de dire le fun est aussi une partie de la réflexion de faire son combo, de tester les lancers, ouais, etc. Tu vois. Bah, évidemment. C'est un peu ça l'essence du jeu, etc. Mais du coup ouais, c'est à ça que je voulais en venir, c'est que c'était un commentaire que j'avais posté sur ta vidéo de discussion d'ailleurs Playmaker. Et d'ailleurs, oui, vidéo très intéressante, c'était que j'étais en mode, moi, à mon sens, ce qui m'amuse autant dans le Beyblade, c'est que ce soit équilibré, c'est que justement, tu puisses arriver avec n'importe quel Bey sorti de jeu, avec n'importe quel combo, et arriver à rouler sur une partie du game, tu vois. Et malheureusement, je trouve que c'est plus trop, enfin, c'est pas trop le cas. Hasbro, Takara, tu peux pas être, enfin, les single, c'est un peu compliqué pour une chaussette comme ça. Mon Hasbro, c'est quasiment impossible de gagner avec une première toupie contre une des dernières. Bah. Là, ouais, je suis d'accord avec vous, les gars. Alors, juste par contre, moi, du coup, j'ai eu l'occasion de faire des tests et de démontrer le contraire à certains bladers. On peut gagner. Alors, il faut bien tempérer ce que je veux dire. En fait, on peut gagner avec un single layer face aux dernières toupies sorties. Oui, la seule différence, c'est que je parle de mettre que le single layer. Je ne dis pas de mettre un combo stock intégral. Layer, mais avec des disques et pourquoi pas des frames et des drivers de dernière génération. Mais en tout cas, on toujours. Bah, tiens, parlant d'équilibre, là, bah, je sais pas si vous êtes au courant, mais les dernières Hasbro qui sont sorties actuellement, c'est Orichalcum O3 et Amaterius A3. Ouais, j'ai vu ça. Je m'en parle justement, ça vite fait. Et Orichalcum, enfin, c'est deux toupies qui sont adaptées de toupies Takara qui sont ultra, ultra rares. Et Orichalcum a la particularité d'être une toupie lourde. Et. Alors, c'est faire c'est des oreilles, hein, mais. Orichalcum a du métal, du coup, en Hasbro. Quoi? Orichalcum est identique. On va dire les choses une bonne fois pour toutes. Ça sert plus à rien de se choquer de quoi que ce soit. J'en ai discuté avec des responsables de chez Hasbro lors du mondial, etc. Et même après. Aujourd'hui, Hasbro, en fait, ils ont bien compris que s'ils jouaient la carte de suivre Takara, plus ou moins, ils vont toujours subir la comparaison et les joueurs choisiront toujours Takara. Donc, ils sont obligés de prendre des voies. En fait, il ne faut plus du tout les comparer. Il y aura des mêmes toupies, elles vont globalement se ressembler, mais les pièces et la façon dont elles sont gérées, les gimmicks seront totalement différents. Ils sont partis dans un autre délire. C'est deux jeux Beyblade. Justement, en fait, le truc qu'on est en train de te dire, c'est que, en fait, là, ils ont fait exactement la même qu'en Takara. Bon, pas les mêmes couleurs, mais sur Takara, il y a du métal. C'est la même couleur. Ah, d'accord, la même couleur, etc. Sur Takara, il y a du métal. Et là, ils ont décidé d'en mettre eux aussi. Les toupies turbo, donc surtout les Swing Shock, n'ont pas de métal, en principe. Et là, Rekakum, c'est une toupie turbo qui est une Switch Strike. Et elle a du métal, et elle est super lourde. C'est une toupie de type endurance à la base, ça serait très très con de leur part. Mais après, le truc, tu vois, Playmaker, c'est que je me dis que dans l'ère qu'on est aujourd'hui, c'est l'ère du e-commerce, etc. Et ça se voit sur YouTube, le nombre de gamins qui ouvrent des Takara. C'est qu'aujourd'hui, un gosse, il a envie d'avoir la toupie de l'animé, il va pas se faire chier à choper une Hasbro ou quoi que ce soit, tu vois, il va prendre une Takara qu'il prend sur eBay et basta. Et je pense qu'ils ont compris ça. Quand même d'un côté. D'ailleurs, il y a qu'à voir le nom d'un quel club de fake qui sont ouverts dans des unboxings d'enfants. Ouais, c'est ça, oui, c'est le problème. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous conseille la vidéo de Storm sur le sujet pour acheter vos toupies sur internet. Je pense que ce serait bien d'ailleurs qu'on en ressorte une, pourquoi pas tous ensemble en groupe, réactualiser parce qu'elle date un peu. Mais puis surtout aussi de vraiment lister point par point ce qui les points qu'il faut repérer, etc. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est ça le truc, c'est que je me dis, Hasbro et Takara, en fait, Hasbro, ils se disent, bah, de toute façon, on va pas chercher à faire comme Takara, parce que s'ils veulent acheter Takara, ils vont acheter Takara, c'est pas un problème. Autant faire ce qu'on a envie de faire. Et dans un sens, moi j'approuve plus ou moins ce point de vue. Après, bah, c'est comme là, on a critiqué le système Kakusei pour Takara, il y a des choses chez Hasbro qui, pour nous, ne passent pas, quoi. C'est tout. Oui, voilà, mais oui. En fait, mais c'est, enfin, je trouve que là, je parle juste sur le plan purement commercial. Je trouve que la stratégie est très bonne de la part d'Hasbro parce que, en fait, maintenant, au lieu de dire c'est moins bien, les gens pourront simplement dire c'est différent. Exactement. Et ça, c'est mieux. Ouais. Et oui, je suis d'accord. Et c'est beaucoup mieux. Et moi, je suis à 100%. Moi, du coup, je m'en fous royal. Je veux dire que maintenant, quelqu'un me dit je préfère Hasbro, je dirais ouais, peut-être que effectivement, cette personne se. Ouais, elle a des goûts qui se rapprochent plus de Hasbro. Genre, par contre, typiquement, le système Stick Shock, c'est fun, quoi. Enfin, j'ai pas encore testé, mais ça a l'air ultra fun. Non, parce que ouais, mais tout le monde a crié parce qu'il n'y a pas de métal. Mais en soi, quand tu regardes bien, les toupies, aucune des Stick Shock que j'ai métal. Mais en soi, c'est fun à jouer, quoi. Du coup, ça déséquilibre pas le jeu, ça, c'est sûr. Non, au contraire, non, justement. C'est sûr. Mais quand je vois qu'il y a les toupies qui sortent à côté, comme Amaterios, qui est Shining Amaterios, du coup, et Oracalcum, qui sont des turbos, pas des Stick Shock, des Switch Strike, et qui sont super lourds, je me dis que ça déséquilibre. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont sorti ces toupies, d'ailleurs, de base. Mais bah après je pense que c'est aussi pour je sais pas parce que la Amaterios de base ils l'ont pas sorti, la Baldur ils l'ont pas sorti Ah mais Amaterios c'est la chaussette je parle hein. Oui bien sûr. Oui mais c'est ce que je te dis, la première Amaterios ils l'ont pas sorti. Mais ouais, c'est Hasbro ont des choix de particuliers vis-à-vis des produits qu'ils adaptent. Surtout qu'on parlait de Stan Kakusei tout à l'heure, mais bon c'est pas officiel, c'est que des leaks, c'est peut-être pas officiel. Mais sur Amazon, quand on fouille, il y a des noms, une liste de noms de toupies, et il y a plein de toupies qui ont été annoncées jusqu'à maintenant. Mais bon, Et parmi, oui, je sais, j'aime pas trop parler de ça parce que c'est pas officiel, mais dedans, t'as une Aquiles A5 qui traîne. Elle est juste au-dessus de Delphine. Mais moi, pour l'instant, tant qu'il n'y a rien qui a été dévoilé dans les magazines officiels, je prends rien. Non, mais c'est juste, dire que peut-être. Pour dire que ça traîne, parce que ça, on l'a déjà vu aussi, certains revendeurs qui font traîner des noms pour hyper les gens qui restent en fait à regarder ce revendeur-là. Et au final, il n'y a jamais rien eu derrière. Bon, je veux bien, mais le problème, c'est que, en fait, les noms, il y a la liste de noms, il y a plein de toupies qui étaient officialisées jusqu'à maintenant. La cassette totalité. Oui, c'est vrai, ça. Ogre, Kraken, Dularan, tout ça, c'est que des toupies qui étaient dans la liste. Même Delphinix était dans la liste, d'ailleurs, je précise. Elle était dans la liste et était révélée il n'y a pas longtemps. Ok, bah par contre, je voulais juste dire un petit dernier mot parce que là on est à 18 minutes de record, donc je vous propose juste que on évite trop de trop divaguer. Je voulais dire un dernier mot sur ce que vous pensez, puis après on passe à la suite, ça vous va? Ouais, bah avant qu'on passe à double zéro, moi je voudrais juste finir le fond de ma pensée sur Kakusei. Donc c'est vrai qu'à la base je suis parti sur un gros nom, mais après donc à force de voir des vidéos, j'ai constaté que ça burstait. Hein, clairement. Oui, ça burst. Moment, tu peux moins, apporter, ouais. Oui, voilà. En fait, il va falloir jouer différemment, va falloir s'y adapter, ça c'est sûr. Après, ça burst moins, ça c'est indéniable. Je ne savais pas pour la force nécessaire pour activer, et du coup, je suis ravi de le savoir, Playmaker. Ouais. Mais du coup, voilà. Donc, au début, je suis parti dans un côté un peu genre désespoir total, et maintenant, en fait, j'ai encore un espoir de me dire que bah non, finalement, en fait, ça va peut-être pas tant changer le game que ça. En attente de voir ce que va faire Takara par la suite. Ah bah en fait, bah, j'entends pas par rapport à ça. La force nécessaire pour Striggan, oui et non. Striggan est facile à activer niveau système. Le problème, c'est que les Kakusei, enfin les deux que j'ai sur les trois, ont des dents de merde en fait en principe. Du coup, si t'as pas Kakusei, ben tu peux autant exploser qu'une God voire Chazelle Layer. Ouais. C'est d'accord. Comme un autre en fait. Ouais. C'est un gimmick comme un autre en fait. Ouais, donc en fait, c'est un peu du tout ou rien, hein, d'un certain point de vue. Donc c'est aussi une prise de risque qu'il faut assumer derrière. Surtout qu'aussi, les machins sont déséquilibrés. Et comme les chaussettes, tu peux équilibrer ça avec une level chip. Et quelque chose, tu peux pas en mettre de level chip. Du coup, ben. Ouais, mais ouais. Après, le truc avec les chaussettes, c'est que justement, le déséquilibre était dû au trou qu'il y avait dans le layer en fait. Parce qu'il y avait de l'air qui passait. C'est un peu le même délire que. Twitch Tempo, en fait. Parce qu'il y a des trous dedans pour les ressorts des Kakusei. Mais là, tu peux pas le régler, ça. C'est impossible de régler. Donc, c'est acquis tout double. Tu peux jouer Kakusei, mais si tu rates, Ouais, tu peux faire ça à des gros risques. Juste... Tu peux te faire dégager ou exploser. Vas-y, ouais. Moi, je voulais juste savoir pour que, enfin, connaître la vie de tout le monde, on est d'accord que l'Event Chip, c'est purement commercial. Non, il oui. y a la, non, y a la performance derrière et tout, on en parlera justement parce qu'il y a un level chip dans le... Bah ouais, je serais curieux, je voudrais bien avoir vos avis là-dessus parce que moi, de la façon dont ça m'a été présenté pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a juste pas d'intérêt à pas le mettre. Alors en fait, on en parlera en temps venu, mais... Ouais, on en parlera en temps venu, d'accord, d'accord. Je pose la question là, on y revient après. Mais bien, pas de problème, t'as bien fait de poser la question. Du coup, bah, le layer de chaussettes Achilles, c'est plus ou moins fait, donc retenez... système Kakusei, le gimmick, il y a des lames défensives et en même temps offensives, voilà, plus ou moins l'air de type équilibre, voilà. Donc, du coup, le disque double zéro, alors, factuellement, c'est censé être, c'est écrit sur le site de Takara, vous faites la traduction, c'est écrit, je mettrai un screen, il n'y a pas de problème. C'est censé être le disque le plus lourd de la saga. Existant, officiellement. Fois. Oui, officiellement, justement, on va y revenir. Donc il y a 6 poids, donc 3 de chaque côté. Donc c'est un disque auquel on peut attacher une frame, hein, donc avec les deux côtés, bien sûr. Et voilà, donc c'est censé être le disque le plus lourd. Bon, le problème. Moi là, on pourrait s'arrêter tranquille, on passe à Dimension, hein, il n'y a pas de problème. Mais. Moi je dis méfiance avec les descriptions parce qu'il suffit juste qu'il te fasse que le machin il soit 0,05 grammes. Non, rien à voir. Ils peuvent dire ah c'est le plus lourd et en fait il a oui, à peine il a 0,5 grammes. Oui, mais on avait pensé à ça. Hein. Oui, non, mais c'est pas ça. Ça serait ça le problème. Ça serait mignon, tu vois. Le truc c'est qu'en fait le disque double zéro. Alors, il a un poids variable en fait. On a vu plusieurs vidéos où il y avait des balances et le poids varie de 23 à 26 grammes, tu m'avais dit, Playmaker. Ouais, entre 23 et 26 sur Twitter, que j'ai vu sur Twitter et YouTube. Ça varie entre 23 et 26. Ça veut dire que quoi, en fait, tous les double zéros ont pas le même poids. C'est débile. C'est ça le truc, c'est ce qu'on dit. Ça. Et du coup, on se pose vraiment la question, est-ce que c'est les balances de tout le monde? Est-ce que non, il y a certaines personnes, c'est obligé que c'est les balances, parce qu'ils ont genre, tu sais, posté une photo sur Twitter, genre le truc qui devait faire 23,5, et ils l'ont reposté deux jours après, le truc qui faisait 25,26, tu vois. Donc, il y en a, c'est les balances, tu vois. Ouais, je pense, il suffit que le machin soit mal étalonné, et voilà. Il y a des différences de poids de 2 grammes, alors qu'il y a des centaines de personnes qui ont essayé, je me dis, c'est chaud quand même. Mais oui, genre, tu te dis, franchement, je sais pas qui s'est amusé à venir chez les gens la nuit dérégler les balances, mais c'est un petit bâtard, tu vois. Mais voilà, toujours est-il que cette affaire de poids variable, alors peut-être que c'est tout le monde qui a des balances différentes ou mal étalonnées ou quoi que ce soit. Oui, non, mais ça, c'est full possible. Toujours est-il que c'est intriguant quand même. Que c'est chelou. C'est. Alors, c'est un nouveau concept. Ou alors, on est sur un nouveau concept de Takara, quoi. Après le random booster, le random disc. C'est ça, c'est exactement. Je sais pas exactement lequel t'as. Mais voilà, bon, on a trouvé ça amusant de vous en parler, mais voilà, à part ça, c'est censé être le disque le plus lourd. Officiel sur internet, à double zéro. Attends, double zéro fait officiellement le poids de... Attends. Il fait... Allez, là. Il fait 20... Attends, c'est pas écrit? Ah bah non, c'est pas écrit. Mais il doit faire 24 et quelques, je crois. Non, c'est pas écrit. Ouais, mais bon, voilà, ouais, c'est... Bon, ça doit avoisiner vers zéro. Quoi. Attends, c'est moi ou j'ai encore entendu un pic de la part de Storm là? Non, c'est pas un pic, c'est véridique. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, je crois qu'il a dit. C'est le poids d'une Sneak Shock, 26. Ouais. Putain. Il avait dit la seule blague, même si c'est pas une blague. Non, oui, ça va, c'est amusant, c'est pas méchant. Mais du coup, bon, voilà le disque. Bah, une blague, c'est supposé être amusant de base. Oui, voilà. En fait, je passe là et puis je m'en vais, tu vois. Mais du coup, voilà, le disque, il est pas spécial en soi. Enfin, j'ai pas l'impression. C'est un disque à frais, il est lourd. Voilà, il a 6 poids. Je vous avoue, les gars, que moi qui suis principalement un joueur de type défense, il me vend un peu du rêve double zéro. Ouais, j'imagine. Ne serait-ce que par sa forme, les 6 poids, la façon dont ils sont disposés. Tu vas l'acheter, le truc qui va faire 13 grammes, tu vas commencer à suer. Non, mais ne serait-ce que par la disposition des poids. Oui, non, mais oui. Bien sûr. Mais il fait penser un peu à des poids de Bakutenshu, je trouve. Je trouve, personnellement. Oh. Il est assez anguleux. Bakuten et Berserk ressemblent un peu, ouais. Pas. Attends, les premiers poids de Bakuten Shoot, mon gars, c'était tous les mêmes, ils étaient ultra fins, hyper oui, aérés. Mais, genre, c'était pour c'est vraiment pour le côté anguleux, tu vois, avec plein de côtés anguleux. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux. Ouais, ah oui. Mais voilà. Bah, je t'avoue que la première fois que je l'ai vu, moi, j'ai directement pensé à Draciel. C'est vrai que ça m'est venu. C'est vrai. Bah, parce qu'il y a quatre côtés qui ressortent bien, du coup, ça fait penser aux quatre côtés de Draciel, etc. Mmh, totalement. Mais voilà. Du coup, maintenant, on va passer à la partie la plus équilibre, justement, enfin, la plus type balance de cette toupie, le driver. J'ai vrillé quand j'ai lu la description. Le driver Dimension, c'est vrai qu'il est très, très complexe, ce driver. Oui. Je vais essayer de le résumer. Je vais sans me tromper. Déjà, on peut vous dire, lisez, allez lire la description sur Beyblade Espace. Non, mais ce sera plus simple. Là, ça va être quelque chose. Hein. Même moi, j'ai du mal à déjà que c'est compliqué à le lire, alors si en plus, enfin, à l'écouter, oula. Donc, en gros, ça va être un driver avec une pointe en plastique sur le côté et une pointe en caoutchouc dedans. Donc, la pointe sur le côté sera trouvée, bien sûr. Et le truc, c'est que vous aurez trois niveaux de hauteur. Donc, où les deux pointes seront au plus bas, donc ça ce sera le mode attaque et bas, donc vous pourrez faire des attaques upper à partir de ce stade de hauteur. Ensuite, juste gros, au lieu de dire pointe sur le côté, dis juste genre une pointe un peu comme pointe en non plastique. Comme Zephyr, tu vois, ouais, mais avec une pointe creuse, une pointe en caoutchouc à l'intérieur qui peut ressortir suivant le niveau que tu mets, tu vois. Mais alors bien, voilà, tiens, parlons-en parce que vous avez tous les deux utilisé le terme différent. Elle est en plastique ou elle est en caoutchouc? La pointe est en caoutchouc. La pointe en caoutchouc et le contour est en plastique. C'est ça. Ok, merci. La pointe en caoutchouc au milieu, ça rappelle un peu RS des deux grandes Cetus pour ceux qui s'en souviennent. Ouais, exact, tout à fait. Ouais. Ouais. Et exact, du coup, en fait, voilà, cette pointe, elle va pouvoir ressortir quand vous serez au niveau au plus bas. Du coup, ça fera un peu. Enfin, c'est vraiment pour que vous ayez une idée comme fusion ou Unite, mais en inversé, du coup, vous aurez une pointe au milieu en caoutchouc et avec des bords en plastique, où du coup vous aurez des mouvements un peu équilibrés, vous pourrez rester aussi. C'est vrai que ça fait reverse Unite, effectivement. C'est ça, voilà, vous pourrez aller sur le côté, etc. Mais du coup, un peu comme Unite, c'est que du coup ce système, ce sera assez handicapant autant en endurance qu'en attaque, dans le sens où vous ne pourrez pas vous permettre toutes les choses que vous voulez avec une pointe d'endurance ou d'attaque. C'est le principe de l'équilibre. Ouais. Merci Captain Obvious. Ah ouais, franchement gros, heureusement que t'étais là parce que j'avais pas compris. Non mais, je préfère plus. Non mais. Et du coup vous aurez le niveau le plus haut où du coup vous aurez la pointe en plastique qui sera tout en haut et la pointe en caoutchouc qui elle ne touchera pas la surface du stadium. Et où du coup voilà ça vous permettra de faire des attaques smash où bah voilà le driver sera tout simplement plus haut. Du coup, voilà, ce driver, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là... Ça me fait penser à un stylo, voilà. C'est juste ce que j'avais à dire, les gars, au bout d'un moment. Moi, je trouve ça intéressant. Oui, non, tout ça, c'est sûr. Bien sûr. Mais surtout au niveau de l'équilibre, je trouve que c'est un driver assez intéressant. C'est... Alors, quand tu parles de l'équilibre de la toupie, au niveau du type balance. Le type balance. Ouais, d'accord. Parce que niveau équilibre au plus haut, par contre, je sens qu'elle va partir non, en cacahuète. Ouais. Au plus haut, j'ai vu des vidéos, les attaques, c'est insane, quoi. On dirait vraiment une Bah, le Driver Tower, on s'en souvient. Hein. Qui le joue? Ah bah, moi, je le joue, personnellement. Autant pour moi. Eh ben, les gars, je serais ravi de vous affronter avec le Driver Tower, parce que je le trouve... Enfin, il est stylé. Mais du coup, je n'ai pas encore trouvé comment jouer de manière efficace, moi, perso. Donc, je serais ravi de vous affronter avec. Bah, j'ai pas besoin de tomber là-dessus. Pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Il y a des trucs à faire, je trouve. Oui, il y a des trucs. Après, bon, il y a certaines personnes qui le jettent à la poubelle. On arrive à ses extrémités. On ne sort pas de question. Mais cela ne nous regarde pas. Mais, ouais, mais du coup, sinon, ce driver, moi, vraiment, je trouve que... En fait... Personnellement, je sais pas pour vous, je suis plus hypé par les gimmicks de driver, de frame et de disque actuellement que par ceux des layers. Oui! Parce qu'on va parler de Air Knight là, mais. Y'a pas de gimmick! Bonjour! Bah, attends, on parlera d'Air Knight quand on aura fini avec le driver. Oui, bien sûr. Mais voilà, mais toujours est-il que moi personnellement, ce driver, je trouve qu'il représente bien le type de sa toupie. Je trouve ça assez intéressant, la gestion de la hauteur. C'était vraiment un truc que moi personnellement, je kiffais dans Metal Fight. Avec les axes de rotation, on pouvait moduler, on pouvait changer comme on veut. Et je trouve ça. Ah, j'adorais cette toupie dans Metal Fight qui montait et qui descendait au cours du fight. Laquelle? Beatlinks. Beatlinks, ouais. Je la trouve exceptionnelle, cette toupie. Enfin, moi, je l'ai adorée. Ah oui. Et donc, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Gérer la hauteur, je trouve ça hyper chouette. Et puis surtout, en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils font de plus en plus de drivers avec ça. Donc, il y a encore plus d'options parce qu'au début de... à partir de God, on avait quoi? On avait Tower, ensuite on a eu X10, ensuite on a eu Volcanic. Et là, du coup, on repart sur des drivers qui peuvent gérer leur hauteur. Et du coup, moi, je trouve que c'est une mécanique assez intéressante. Voilà. Pour faire ça, moi, je le trouve fraise driver. Non, mais frais dans le sens où il apporte un truc, tu vois. Oui, non, mais oui, j'avais genre, compris. Ah, ça, on se dit pas, tiens, c'est comme ça, mais en mieux ou ça, oui, ou voilà. Différemment. C'est juste, il arrive, il pose ses nouveautés, il pose ses... Ouais, il apporte une certaine fraîcheur au jeu que je trouve pas désagréable. Et au moment où je vous parle, je regarde la vidéo de présentation quand ils le font tourner, il me fait penser à un objectif d'appareil photo, réflexe. Ouais. Quand on le tourne pour faire sortir la pointe. Mais enfin, après, peux comprendre qu'après le driver Ventouse, il y en a qui soient pas hypés par ce driver-là. Ouais. Parce que putain, alors, celui-là, je l'ai pas vu venir, je vais pas mentir. Alors, Quest, enfin, je ne sais pas si je fais, hein. Sur papier, c'est cool, hein. Il est haut, il scroll et tout ça. Mais il est pas ouf. Clairement, il a pas l'air dingue. Bah, en vrai, j'ai vu en défense pure, parce que le machin ne bouge pas, et du coup, il a vraiment un potentiel, mais forcément, il a une endurance. Éclater sa mère. Voilà. Le TPK ce driver, il prend un coup, il tombe direct. Voilà, tu peux rien faire en fait. Mais en vrai, j'ai certaines vidéos qui te feraient dire le contraire, hein, Playmaker, parce qu'il y a des Japonais, putain, au niveau des combos, ils sont énervés. Hein. Ils arrivent à te faire des trucs. Mais d'ailleurs, je pense que quand je vais te faire un snap où il y a ma toupie collée à ma vitre qui tourne, tu vas voir si le driver il est pas vraiment utile, tu vois. Non, mais voilà, mais toujours est-il que. On va dériver un peu sur Quest, mais bon, c'est pas trop grave, je pense. C'est que Quest, c'est vraiment un driver qui est optimisé pour la défense pure. Et au niveau des autres stats, forcément, ça pêche, quoi. Voilà. Mais enfin, c'est ça, plus tu tires dans une stat, forcément, plus les autres, elles se. Et c'est ça que je kiffe aussi, moi, dans Beyblade, c'est que. C'est qu'il n'y a aucune pièce que tu peux délaisser, dans le sens où tu peux pas dire que Axel est meilleur que Extreme et moins bon que Extreme parce qu'il a moins d'attaque. Il a plus d'endurance. Bah oui. Du coup, voilà. Mais vraiment, moi, c'est un truc que je kiffe. Du coup, qui est un dernier mot à dire sur Chosetsu Aquiles, ou on passe à R2. Ouais, par rapport à Dimension, moi, en fait, le driver fait penser à Xtend et Xtend Plus, si vous voyez ce que c'est Xtend Plus. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est, je pense que c'est pour reprendre le même système qu'avait Zed Aquiles. Xtend pouvait changer de hauteur, et Xtend Plus, que le truc quand je suis dessus, changer la hauteur et changer le type de la baie, ouais. Attaque, endurance. Oui, donc le même concept, il l'a amélioré, en fait. Oui, enfin, ouais, améliorer toute proportion gardée, bien sûr. Mais oui, je vois ce que tu veux. Oui, bien sûr. Je vois ce que tu veux dire, mais oui, c'est une nouvelle version. Ils l'ont quand même pas mal modifié. C'est ça. Oui, c'est... mais du coup, ça, le concept c'est le même, ça évite que... Enfin, moi, par rapport à l'ennemi, je regarde l'ennemi, ça évite que Aiga ait un style de combat trop différent par rapport à ce qu'il avait avant. Pas oui. Bien, en fait. Mais après, le problème est que... Bon, on va faire un petit mot sur l'ennemi, c'est que, bon, le problème, c'est que... Aiga, on lui donne une toupie type équilibre, il attaque avec, et je trouve ça dommage, moi. Mais Ouais, mais ça, c'est expliqué dans l'ennemi. Ah, le pouvoir de l'excès. Non, mais voilà. Parce qu'en fait, il voulait absolument que gagner, il a fait que ses deux buts soient cassés pour qu'il comprenne en fait. Il est surtout teubé, à mon sens, mais après. Mais il a gagné contre. Il est surtout né trop près du mur. Attends. Bah, tiens, on te parle de l'animé, dans le dernier épisode, il a gagné avec un combo de défense. Bon, oui, là, gros, tu mettras un joli bandeau spoiler, hein. Oui. Bon. Mais bon, ouais, voilà, c'est. Tu le cutteras au montage. Oui. Mais bon, il utilise un combo d'attaques défensives depuis un épisode, du coup. Mais le fait qu'il fasse que attaquer, c'était expliqué. C'était chiant, mais c'est expliqué, du coup. Parce qu'il d'accord. Mais j'ai envie de dire Hero de Shonen, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon. J'attends ma nouvelle saison de Beyblade avec un personnage principal qui joue défense ou endurance. Ah, mais pareil. Ah, mais moi, c'est... Pareil. Mais parce que il y a toujours Star. Les gars, ça fait 3 saisons qu'on a, 3 saisons type attaque. Bon. Non, mais moi attends, c'est mais même, tu prends Bakuten Shoot et Metal Fight, c'est full attaque. 3 séries. Tous les berceaux de Beyblade. Oui, par 3 saisons, je voulais dire 3 séries, pardon. Oui. Voilà. Non, mais c'est ça. Après, le problème, c'est qu'il y a l'argument commercial du oui, les enfants, ils trouvent ça plus dynamique, etc. Mais on en arrive à un point où God Valkyrie a la même gimmick que Big Bang Pegasus. FD et Reboot, c'est pareil. Bon, pas vraiment pareil, mais dans le fonctionnement... Je suis pas vraiment d'accord, moi non plus. Non, mais dans le principe, quoi, je veux dire. Mais oui, Après, je sais plus comment il s'appelle, Ultimate Reboot, une connerie comme ça, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, bah c'était la pointe en il ressemble vraiment, par contre. C'est pas faux, ouais. Mais, ouais. Mais voilà. Effectivement. On passe au Random Booster de Hair Knight. Yes! Ah, ouais. lui, il est cool. Genre, vous voyez la photo sur la Franchement, la nouvelle Garuda, elle a l'air bien. Alors. Bah, du coup, voilà, on va en parler. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau layer? Enfin, nouveau, toute proportion gardée, encore une fois. Bah, ils ont pris une Garuda, ils l'ont fait chauffer, ils l'ont tordu. Ouais, alors justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que partout sur les réseaux sociaux, tout le monde a créé « Oh la nouvelle Garuda oui, ». Et en fait, seulement vue du dessus, parce que quand on la regarde sur le côté, elle a c'est pas ça. Du tout la même gimmick. Je veux dire, ce qu'il faisait. Elle est profilée pour la force ascendante et c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est ça, on va avoir une toupie qui va être beaucoup plus stable, encore plus stable que Garuda grâce à cette fameuse force ascendante. Ça, c'est. Non, mais c'est là, ça va être abusé, cette arme-là. Ça va être très très puissant, mais. Par contre, en termes de. Oublier, à mon avis, je pense que sur celle-ci, on va retrouver des crans. Oui, elle a des crans. Elle a des crans. Merci de me le confirmer. Non. Parce qu'on n'a plus du tout cette gimmick d'être extrêmement lisse et dévier les attaques comme sur une savonnette, quoi. Mais c'est vrai, Garuda, c'était ça glissait tout le temps. Surtout que Garuda en fait était tellement ronde et lisse que même pour le spin steel, ça faisait des problèmes en fait. C'est genre tu chopais pas assez de matière sur le layer pour absorber la rotation quoi. Ah bah oui. Mais du coup, ouais, voilà. C'est pour ça au début quand Garuda, tout le monde disait quand elle est sortie, il y avait beaucoup de gens. Je ne cible personne et je sais que pas tellement dans ce groupe, mais beaucoup de gens disent oh, Garuda c'est de la merde, ça va être un jouet, etc. Moi j'étais pas d'accord, je t'avais dit non, mais Garuda elle peut être stylée et est devenue stylée hein, au point que la WBO, même si j'ai trouvé ça complètement con, l'avait décrété bannie. Non, mais la WBO avec les bannes, on va pas s'éterniser sur le sujet. Oui, voilà. Toujours est-il que c'est indicateur quand même que c'est pas de la merde quoi. Oui, absolument. Non, c'est une très bonne baie et encore beaucoup trop de gens sous-estiment la capacité et les ressources de la gestion du vent en fait dans Beyblade, ce qui va être. Enfin voilà, c'est la rotation. Le driver Flugel, j'en parlerai peut-être dans une vidéo que je ferai de mon côté, mais. J'ai entendu un nom qui me plaît bien là. Je sais pas pourquoi, mais il va y avoir. Je pense qu'un visage va clignoter au montage. Non. On est sur la chaîne de Bébé d'Espace, on est pro. Il n'y a aucun règlement de compte ici, nous sommes. Voilà. J'ai envie de frapper des gens, mais nous sommes gentils. Non, je plaisante. Non, mais voilà. Non, mais toujours est-il que je trouve ça intéressant qu'ils aient quand même essayé d'innover par rapport à Slayer, qui nous aient pas juste fait une Garuda chose d'être, quoi. Ça quand même cool. Ouais, non, moi je suis complètement pour. Niveau ascendant, ça peut être intéressant. Et à la limite, alors, à voir en fait avec l'essence de rotation, etc. Mais justement, il y a clairement moyen en fait de venir justement se poser avec une surface lisse près du layer adverse. Et après de venir en fait avec la. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, j'ai mis la photo en face, mais du coup, je visualise bien. Ouais. J'inviterai au montage d'ailleurs à faire de même, mettre la photo. Ça va glisser dans une direction et pour venir appuyer. Tu vois, sur le layer adverse. Comme faire un smash, en fait. C'est ça, ouais. Déséquilibrer l'autre deck avec l'angle, en fait. Ouais, bien sûr. C'est ça va la déséquilibrer. Et après, il y a un petit bout, là, parce qu'après, en fait, au bout de la glissière, on va l'appeler comme ça, de la glissière, il y a un mur qui débarque. En fait, on va faire déséquilibre, et gros impact. Mm-hmm. Et à mon avis, il y a moyen d'envoyer l'autre dans le décor assez joliment. Bah, d'ailleurs, je m'excuserai, mais la glissière, je vais l'appeler le toboggan. Oui, ce que tu veux, Aquasplash, fais comme tu veux. En plus, c'est les bleus. Pardon. C'était nul. En plus, c'est les bleus. Ça m'arrive. Mais voilà, moi, en vrai. Il a un tiroir à peu près avec des blagues de merde, il en tire une au pif des moments. Quand j'ai vu Slayer, moi, en fait, je me suis dit que putain, il y a moyen d'avoir un petit potentiel d'attaque en vrai. Petit, mais il y a moyen en vrai. Non mais après faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est une toupie de type endurance hein, donc effectivement faut pas qu'elle ait des ergots de malade, mais de ce que je vois là elle a l'air de faire le café. Ah bah c'est sûr. Attends, son driver c'est Eternal. Eternal est un très bon driver pour l'endurance. Oui, on en parlera ça aussi. Mais d'ailleurs du coup on va passer à moins que quelqu'un ait encore quelque chose à dire au disque 12. Disque 12 je connais. C'est peut-être un peu désuet parce que c'est pas tactique, mais le côté Air Knight, tu vois, en plus Mais après, moi, en fait, ce qui m'intéresse aussi la sur 12... La personnification de la toupie me plaît. En fait, moi, ce qui m'intéresse sur 12, c'est que le machin part de ouf sur les extrémités, en fait. Et 12, mais moi, 12, j'adore. Vas-y, oui. C'est par rapport au layer. Alors, ah oui. Je dis tout de suite, hein, je suis pas trop intéressé par Knight. Juste, la remarque que j'ai faite quand j'ai vu le layer, c'est la tête dessus qui fait grave penser à. Elle fait penser à Valkyrie Victorine. Oui, à Valkyrie, ouais. La toute première Valkyrie. Je suis d'accord. Mais après, à part l'avatar de l'animé, mais ouais, ça fait. Après, moi, ça 12. Ça fait penser un peu à Hermès ou. Ça va être Valkyrie sans cheval. Allez, hop. Ah bah c'est con parce que Valkyrie n'a pas de cheval normalement, mais. Oui. Bah, Valkyrie a une voix de femme normalement aussi, mais bon. Oui, mais oui, bon, hein, voilà. Bon, voilà. On a dit pas l'anime. Bah du coup, ouais, 12, je pense que tout le monde connaît à peu près, ça fait depuis... Ouais, moi, j'utilise beaucoup sur des combos d'endurance, effectivement, ça fait, encore une fois, j'aime beaucoup. Donc toi, tu le mets sur l'endu ? Moi, je le mets sur l'attaque. Ouais, bah non, bah alors, j'attaque aussi, bien sûr, bien évidemment, mais non, ouais, 12, enfin, moi, je te montrerai à l'occasion quand on se battra, j'ai fait des trucs assez sympas avec 12 sur l'endurance. Surtout que c'est un disque assez léger, du coup, c'est assez intéressant, je pense, pour l'endurance, quoi. Mais bien sûr. Mais juste que moi, personnellement, je n'utiliserais pas comme ça, mais ça me choque pas. Mais après, c'est ce qui fait toute la beauté du jeu. Hein. C'est justement ce qui chacun a sa manière de jouer, etc. Ah non, mais les gars, moi. Lui, je sens qu'il a des choses à dénoncer, lui. Non, mais un des combos les plus pétés, c'est. Enfin, plus pété que je trouve qui est génial, c'est Blaginus Yell Tower, justement, pour reprendre le fameux driver. Ah, ah oui, quand même. C'est complètement what the fuck, hein, mais. C'est-à-dire que tu utilises la couche qui va plus haut de Blaginus, tu utilises la force des extrémités de Yel pour qu'elle reste bien stable sur les côtés, tu utilises la hauteur de tower, du coup tu peux faire des attaques ultra hautes et... Ah, pas mal. Et voilà. Ah, je demande à voir. Ah, j'ai hâte qu'on fasse un match. Quand je l'ai trouvé, j'étais en mode putain, elle est ultra fun et en même temps, elle casse des culs celle-là, donc franchement... Elle casse des culs. Elle casse des drivers, quoi, on va pas parler de Spriggan Requiem ici. du coup, on passe à Expand, donc la nouvelle frame. J'ai vraiment l'impression qu'ils font des nouvelles frames à chaque random booster en fait. Ouais, c'est ça. Faut bien vendre, mon cher ami. Ouais, non, mais donc, que au random booster quoi. Oui, on a eu. Attends, on a eu Lift, on a eu. Bon, Polish c'était dans un set. Ouais. C'est pas pareil. On a eu Reach sur Ragnarok. Oui, voilà, on a eu Reach, ouais. On a eu Reach. Rich, Lift, Polish et Expand, on a eu que ça en fait. Ouais, sans compter Ungle qui est sur Amaterios, mais ça c'est autre chose. Ouais, mais enfin ouais, ça c'est, on parle d'une toupie. Ouais, c'est que les Random Booster, voilà. Oui, c'est marrant. Mais voilà, c'est que les Random Booster, les... Bah moi Expand perso, Expand pour moi c'est... Je trouve intéressant encore une fois, et encore plus pour une toupie comme ça, et je serais même d'ailleurs très intéressé de le tester sur Garuda. Oui, bien sûr. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est ce que je disais, ça me rappelle aussi un peu une version alternative, enfin, elle ressemble pas du tout, mais de Flow, c'est que c'est un truc qui génère de la force ascendante. Ouais. Oui, voilà, dans mais la gimmick. J'allais le dire, en fait, j'allais dire que j'ai pensé à Flow. Mais voilà, du coup, c'est une frame assez large, il me semble, quand j'ai vu sur la vidéo, elle me paraissait vachement large, avec 4 trous pour générer de l'air. Moi, je vais pas vous mentir, cette frame m'a fait penser au tout premier disque qu'on a eu, Wing. C'est vrai. Ah oui, effectivement. Ça m'a fait penser à Wing, et du coup maintenant je teste Wing dans des combos d'endurance. Donc voilà. Mais moi, ouais. Je pensais à voir. À voir, parce que moi, comme dit Storm, sur une toupie axée sur la force ascendante, c'est intéressant. C'est quand même intéressant. Je pensais à Glaive perso, moi. Un mix entre Glaive et Proof, c'est bien ça? Ouais. Glaive avec deux morceaux, en fait, avec deux lames en plus et des trous, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, Glaive qui était un peu plus aiguisé, me semble, parce que de base, elle était sur Cray Satan. Du coup, ça faisait un peu plus défensif, j'imagine. Et aussi un côté contre-attaque. On l'a vu sur d'autres choses, Glaive aussi. Oui, bien sûr. Oui, non, mais de base, effectivement, la première fois qu'on l'a vu, c'était sur Cray Satan. Oui. Mais après, elle a fini sur Tornado Wyvern, Blaginus et certainement. Enfin, Cray Satan, devrais-je dire. Kinetic Satan. Non. On en parlera pas aussi. Du coup, à moins que quelqu'un. Ça tombe bien, j'avais pas envie d'en parler. Donc moi je propose que Tuna quitte la conversation maintenant. Ah non. Allez, bah franchement moi les gars, j'avais rien sur le feu donc ça tombe bien, faut que j'aille l'éteindre. Putain, j'aurais jamais dû te laisser sortir de la cave. Toi. La fameuse. El famoso cave. El famoso cave. C'est là où vous avez toutes vos miniatures donc voilà. de pas de cette cave. Ah, mais c'est la tapisserie de la cave, en fait, c'est que mes miniatures. C'est ça. C'est sale. Oh putain, saut 8 avec Storm. Allez, c'est parti. Psychopathe. Du coup, le dragon éternel, quelque chose à dire dessus? On l'a déjà vu sur Arthur Hercules. On le connaît, c'est efficace. C'est Revolve avec du POM. Voilà. Si. Moi, j'aurais. Enfin, du coup, en fait, c'est pas tant sur Eternal directement, justement, c'est plutôt un étonnement. Je m'attendais, en fait, à un disque avec des ailettes pour, encore une fois, générer de la force. Ouais, un driver comme Fugel, ouais. Moi aussi, je vais pas mentir. Bah ouais, Fugel. Les... Mais du coup, forcément, ça va être immédiat. Dès que la toupie que je l'aurai, le premier test que je vais faire, c'est de la laisser stock. Fugel, ouais, ajouter ouais. Fugel à la place d'Eternal. Bah oui, bien sûr. Mais oui, mais après, bon, voilà, je pense que c'est pour varier aussi le truc, tu vois. Parce que ils ont dû se dire, ouais, non, on va pas leur foutre une deuxième partie nouvelle, on a déjà foutu une frame, on connaît Takara pour ça. Mais ouais, voilà, toujours est-il que ça reste un monde dragon d'endurance, c'est pas dans la logique de l'abeille, enfin, ou alors c'est dans une autre logique de faire plus une variété de performance, pourquoi pas. Mais toujours est-il que moi j'ai une remarque à faire sur sa couleur verte pomme, parce que. Oui. Je trouve que ça va pas du tout avec le reste, hein, moi personnellement. Bad. Toupie bleu, jaune, vert, excuse-moi, mais... Ouais, pourquoi vert, j'ai pas compris non plus. C'est... Ouais. Ça fait mauvais goût, quoi. Ouais, bah, pourquoi pas, hein, mais... voilà. Après... On dirait une étiquette de multifruits. Ouais. C'est ça. Sur les random boosters de Chosen, j'ai remarqué, en fait, ils mettent toujours une nouvelle frame, et un nouveau layer, logique, mais un driver qu'on a déjà vu, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, pour Ragnarok, c'était Wedge. C'est le driver de Trident, c'est... c'est ça. Comment ça s'appelle déjà ? Wedge, merci. Et on a eu qui ? On a eu Hades. Bon, Hades, ouais, c'est Zephyr Dash, mais Zephyr, on l'a déjà Zephyr, vu. Mais Zephyr, on l'a déjà vu, ouais. Oui, voilà. Et du coup, c'est Dash, quoi. Zephyr. Et du coup, on a eu aussi, comment elle s'appelle Léopard, bah, avec Destroy. Si, Léopard qui avait Destroy, voilà. Voilà. Bon, bah voilà, mais... la race du random booster, non? Après, c'est aussi après tout l'intérêt, on va dire, commercial de Beyblade, parce qu'on peut pas le nier, il est bien présent. C'est après aussi de dire, regardez, d'aller faire d'autres drivers, d'autres pièces, t'es recolorisé, et après, toi, tu vas essayer de monter une copie qui va chercher à correspondre à tes goûts en termes de couleurs, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais bon, voilà, on montre... Big up à tous les daltoniens. Ah, ça là, elle arrivait nulle part. Ouais, j'ai ouvert un petit truc, elle m'a sauté au visage. Oh putain, mon dieu. T'es pas obligé de la garder au montage, celle-là. Oh non, monsieur. Il allait avoir du montage, gros, on t'a dit fond noir. Non, quand même, il va y avoir un minimum de montage pour illustrer, mais je pense qu'on va... Nos têtes qui bougent, yes. On va garder... Non, je vais illustrer par rapport à des vidéos, des flèches, des ronds rouges, comme ça fait bien putaclic. Des ronds rouges, beaucoup de ronds rouges. Mais voilà. Et des trucs qui clignotent. Mais je vais me prendre des assauts sur la gueule, les mecs. Mais voilà, on n'a rien contre les daltoniens. Mais... Absolument pas. Voilà, donc toujours est-il pour le reste de ce random booster, sachez qu'il y a un autre layer de Air Knight en blanc, il me semble. Donc voilà, si jamais beaucoup vous avez plus stylé, à mon sens, en blanc. Moi, parce que j'aime bien le blanc, c'est tout. J'aime bien en bleu, perso. Moi, j'aime les deux, mais c'est vrai que j'ai ma petite préférence pour le blanc. Par contre, c'est vrai qu'en bleu, ça fait Valkyrie, effectivement. Ouais, c'est vrai. Bah, bleu, jaune, rouge. Mais ils ont pris en fait, ils ont pris un peu la même palette de couleurs, quoi, en fait, c'est ça le truc. Oh, bah, c'est carrément la même palette de couleurs. Ils avaient plus que ça dans Photoshop, t'en fais merde. Bon, bah, tant pis. Alors, si, excusez-moi, je reviens juste là-dessus, c'est la manière sur, donc je parle du layer hein, directement, ouais. De Air Knight, la manière dont est disposé le métal dessus, j'aurais pas cru qu'il l'aurait fait comme ça. Bah ouais, et... oui, en fait, limite, on a l'impression qu'elle a très peu. Ouais, mais après, du coup, je pense qu'en termes de stabilité, métal, en fait, ça nous donne un centre de gravité qui est... Qui, je pense, qui plante à un ventilateur, je vois ce que tu veux dire. Non, mais excusez-moi, mais oui. Bien sûr, ça plante un ventilateur, mais... C'est bien en termes d'équilibre, moi je trouve ça intéressant. Bah en fait, ça parce qu'on va avoir un centre, ça va être bien milieu, placé en fait. Au centre. C'est ça. Oui, ah, mais oui, je mais oui, c'est vrai que c'est intéressant. Style, et puis même au niveau de comment sont orientées les ailes, ouais, je vais appeler ça des ailes de métal là, les trois petites ailes. J'ai l'impression en fait, quand ça va tourner, ça revient au centre en fait. Ça fait une force centrifuge. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Ça peut être bien. Et d'ailleurs, du coup, je le remarque encore une fois, juste, vous prenez juste la partie métal du layer et on dirait un layer de Valkyrie. Putain, on dirait Valkyrie la première, mais à l'envers. Bah ouais, la proto-Valkyrie. Après, Putain. Ça a peut-être du sens. Alors, j'ai encore pas l'anime, désolé. Hein. Ouais. Son propriétaire, c'est. Vous savez, oui, c'est Kid Gamma, là, qui était le petit, là. Le petit de. Le petit Gamma qui va te raconter au début de la saison, là. Ouais. Oui, et qui l'appelle grand frère ou une connerie comme ça, non ? Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il a été inspiré par Valkyrie, ça a peut-être du sens. Hein, quand ouais, mais après, tu vois, le truc que je me dis avec ce genre d'interprétation, c'est que l'anime va jamais assez loin là-dedans. Et pourtant, c'est con parce que, comme tu dis, il y a des interprétations à faire qui peuvent être cool. Et, d'ailleurs, juste une question, on l'a vu combien de temps, lui, dans les épisodes ? Je m'en rappelle plus. Kit ? Oui, non, mais dans Show Z. Hein. Dans Show Z, eh ben, on vient le voir là, en fait. On l'a vu la semaine dernière, la série a été en pause la semaine d'après, et on le voit là. La semaine prochaine, qui enfin, bah, Inch'Allah, c'est expliqué en mode putain, j'ai basé ma baie sur celle de Valt. Alors, les gars, je reviens juste sur ce point parce qu'il y a un point technique important. Quand on donne des explications, tu vois, quand on est en train de trouver des explications à certaines choses dans une histoire auxquelles même l'auteur n'avait pas pensé, ça porte un nom, ça s'appelle l'interprétation prof de français. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, mais bon. Non mais c'est ça le truc, c'est que on peut interpréter ça, mais on peut pas, on peut rien confirmer. Il y a rien de, c'est, oui voilà, c'est ça. À moins que Romo Rita nous dise, bah si les gars, j'avais tout prévu depuis le début. Ouais, mais le truc c'est que Ernight n'apparaît pas dans le manga en fait, c'est ça le problème. Oui, c'est effectivement un problème. Donc voilà quoi. Mais alors attendez, parce que moi du coup je suis pas aussi loin, d'accord, il apparaît pas dans le manga, mais ce qu'il apparaît dans l'animé, parce que c'est deux timelines différentes. Oui, il apparaît dans l'animé. Ok. Elle apparaît dans le prochain épisode lundi, là. C'est ça, ouais. Il apparaît. Mais oui, elle apparaît dans ce nom. Mais c'est Hiro Morita aussi qui est derrière l'anime en termes de scénario. Non, il me semble que c'est toute l'équipe d'OLM. Hein. C'est juste qu'eux, ils doivent suivre la ligne directrice du manga, du genre bah, Valkyrie a pour Blader Vault, ils progressent au tournoi, machin. C'est un peu comme ce qui s'était passé avec Dragon Ball Super avant que Akira Toriyama se rapproche vraiment de l'anime, non ? Non, Akira Toriyama a vraiment relancé avec. En fait, Toyotaro s'occupe des dessins, mais le scénario, ça a toujours été Toriyama. Mais non, mais oui, non, mais ce que je veux dire dans l'animé, c'est qu'il avait juste fait une ligne directrice, et genre le studio devait le dessiner par rapport à ça. Oui, à Toyotaro, et ils faisaient le taf chacun de leur côté, en fait. Oui, ouais, c'est voilà. Ça, ouais. C'est ça. Mais après, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font une pause, c'est le temps que le manga papier, avec un vrai scénario, une vraie ligne directrice de Toriyama, repasse. Ne parlons pas de Dragon Ball, c'est juste pour faire une. Oui, voilà, mais bon. Mais voilà, toujours est-il, si vous voulez voir les différences scénaristiques entre le manga et l'animé, en fait. Il y en a beaucoup. Vous regardez l'arc du tournoi national de Beyblade Burst, la première saison. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, que dalle. Rien à voir. Donc voilà, vraiment pour dire que on peut pas comparer. Le manga papier est une vraie pépite pour. Enfin, comparé à l'animé, c'est le manga papier, moi je le mets. Enfin, en tout cas pour les débuts. Surtout pour les débuts, ouais, il est génial. Il est vraiment. Enfin, il est au-delà de l'anime, là. Il y a pas. Pour les fans de Beyblade, il est au-delà de l'anime. D'ailleurs, c'est un peu con de dire manga papier parce qu'un manga, c'est. Oui, un manga, c'est toujours un peu. Oui, je sais, mais aujourd'hui, je me sens obligé de préciser manga papier parce que quand tu dis manga, les gens, ils pensent d'abord à l'anime. Oui, mais enfin, on parle pas du tout ici. Mais bref. Il doit respecter les dialogues aussi. T'as dit quoi, Pega, qui t'a fait rire tout seul là ? Non, rien. Ouais. Aussi, ils ont respecté les dialogues dans le manga papier. Les dialogues ont été respectés. Oui, parce que les dialogues VF de l'animé. En certains. Oui, non, mais enfin, après, ça c'est au niveau de la VF. Mais oui, Chou est mort, ça a été gardé. Oui, mais non. Non, parce que. Désolé, Chou Gonai est mort, ça avait un impact important dans l'animé au Japon. En France, ils l'ont censuré, c'est con, forcément. En France, ça a donné un vieux. Le Chou que vous connaissez n'existe plus ou quelque chose comme ça. Non, mais les gars. Parler de la suite du Random Booster, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, on va faire ça. Parce que, non, mais la VF, les gars, stop. Voilà, juste, on en parle pas. Surtout celle de Burst. Elle ne mérite pas de notre attention. De base, on avait dit, on parle pas de l'anime, on parle juste des news. Ouais, en fait, ça part juste sur une conversation à la con, on a oublié, c'était filmé. Non, mais c'est bien, en vrai, on dérive sur pas mal de choses, c'est assez intéressant, moi, je trouve, pour l'instant. Par contre, gros, le truc qui sera bien à faire, c'est en description, mettre les timecodes. Parce que. T'inquiète pas. Bref. Bon, le Random Booster. Ouais, le Random Booster. Du coup. On a un peu fini de parler de la veille rare du truc. Mais il y a des trucs à encore à dire. La Revive Fate. Je parle de la veille rare. Pour la veille rare, oui. On a fini d'en parler. Mais du coup, on a une nouvelle Ernight. Il y a une Revive Phoenix, Violette 12 Fusion Dash, donc un nouveau Driver Dash. Une nouvelle El Salamander qui me semble est blanche. Ouais, elle est blanche. C'est blanche. 13 Blue Dash aussi, une Hazard Carbius qui elle est jaune, et Four Merge Dash, donc voilà, vous avez 3 Driver Dash dans ce nouveau Random Booster. Ce qui le rentabilise assez bien, je trouve. Oui, j'ai plus le Random Booster devant les yeux, mais on est d'accord que dedans il y a des rééditions Bakuten Shoot aussi, non ? Oui, il y a une Dranzer Flame et une Wallborg. Ah, il y en a deux carrément. Ouais. Ouais. Oui, c'est grave cool ça. Il y a aussi une Emperor Fornus 13 météores. Avec un level chip de... Avec un level chip. Et du coup, voilà, on va revenir. D'ailleurs, si on peut revenir en même temps sur le Driver Dash, mais on va d'abord revenir sur le level chip. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, donc, que, comme notre cher Amistan, le level chip, c'est, c'est une petite chose que vous accrochez derrière le layer qui va boucher justement le trou que vous allez voir sur les layers de type Show Z. Et qui du coup en fait va éviter que l'air rentre dedans et déséquilibrer la toupie. Du coup ça va augmenter son équilibre. Pour une comparaison à ceux qui avaient suivi la Metal Fight, c'est un peu le même comparatif que pour Twisted Tempo. Elle avait un anneau d'énergie en fait et un escalier dans sa roue de fusion qui lui permettait en fait d'infiltrer de l'air et d'avoir un déséquilibre volontaire. Et du coup, en fait, pour les types défense, et du coup, en fait, tu pouvais juste tourner l'anneau d'énergie dans un autre sens et le trou était bouché. Et du donc coup, voilà. C'était à toi de choisir, tu vois. Et du coup, ça te faisait un mode équilibré et un mode déséquilibré. Et ce qui était intéressant sur Twisted Tempo, c'est quand on était déséquilibré, bah, justement, on prenait pas les chocs de face de plein fouet, en fait. Et c'était ça qui était intéressant. Et du coup, voilà, ils nous ont ressorti ça avec les choses d'ailleurs, sauf les Kakusei, comme l'a mentionné Playmaker. Et voilà. Et du coup, on a un level chip sur Emperor Forneus. Voilà. Voilà. Sinon sur les driver dash, bon, est-ce qu'on revient dessus ou Moi, je reviendrai juste là-dessus. Enfin, du coup, parce que c'est vrai que là, tel que décrit, enfin, ça, je le savais déjà, tu vois, sur le level chip. Mm-hmm. Tu vois, encore une fois, là, j'attends de voir. Enfin, tu vois, pour l'instant, pour moi, ça me semble nécessaire d'en avoir un si tu veux améliorer ta baie, quoi. Je vois pas l'intérêt de la jouer sans. Bah oui, mais et c'est justement ça que je trouve illogique un peu dans la manière de faire de Takara, c'est que le seul moyen de se procurer un level chip officiellement, donc là on c'est parle durant pas, les tournois, non, les loteries et les random boosters. Ah, et loterie aussi. Ah, ok. Et le Korokoro, effectivement, mais depuis pas très longtemps, ça, non? Non, ouais. Et voilà, mais du coup. Mais du coup, ça déséquilibre totalement, je trouve. Bah ouais, du coup, on est d'accord pour dire que c'est commercial. Enfin, bah, c'est purement marketing, ce genre de truc. Bah, franchement, à part pour les types attaques où le déséquilibre est un argument assez intéressant, moi aussi, je vois pas l'intérêt de... Genre, sur une type endurance, admettons, tu prends deux Archer et Heracles, même combo, tu mets une level chip, bah, c'est le cas de level chip qui gagne, quoi, en fait. Mais, c'est ça. Ouais, du coup, oui, non, bah, après, il y a la technique du joueur qui vient derrière, bien mais sûr, ouais. Non, ouais, mais bien sûr. Imaginons que tout est au même stade, mais tout est pareil. Voilà. Juste ça qui change, tu vois. Oui, bah oui, donc voilà, pour l'instant, voilà, bon... Il n'y a même pas d'histoire de dire c'est un choix de le mettre ou de pas le mettre. C'est pas un non, choix c'est juste stratégique, qu'il... Ouais, je suis d'accord. Mais c'est juste, hey, juste tu veux que ta toupie passe au niveau supérieur, mets du pognon. C'est ça. Et... Non, en vrai, ça m'étonnerait pas que ça soit déjà trouvable sur internet ou que dans pas longtemps puisse trouver des modèles 3D à imprimer. Ça, je suis d'accord. Mais du coup, déjà quand t'as imprimé en 3D, tu peux pas les utiliser officiellement en tournoi, donc ça potentiellement. Non, bien sûr, mais je parle de quand t'es chez toi, gros, genre en France, nous qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks. Oui, bien sûr. Mais pour acheter un, je dirais rien. Oui, mais. Non, mais voilà, ça se trouve, il y en a plein qui les vendent à l'unité maintenant. C'est sûr. Mais, oui. Non, mais voilà, c'est ça le truc. C'est que. En partant du principe officiel, ça fait vraiment une sélection dans les joueurs, en fait, quoi. Alors, entre ceux qui ont le level chip et ceux qui n'ont pas. Et pareil pour les driver dash. C'est que. C'est-à-dire, maintenant, quel est l'intérêt de jouer Blow si on a Blow Dash maintenant? C'est ça que je déplore, moi, personnellement. Ça pour le coup oui, autant je ne suis pas partisan de la théorie de pièces tellement fortes qui remplacent complètement une autre, oui, mais sûr. Autant pour les systèmes, pour les versions Dash, là je cherche encore, hein, je n'ai pas abandonné, mais je vois pas trop intérêt de jouer la normale quand t'as la Dash. Ok, je suis d'accord. Moi aussi, quand j'ai vu le premier Extreme Dash, il me semble que c'était sur Shadow of Materials, j'ai fait ça va mal tourner ça. Ça va mal tourner. LOL, c'est les toupies. Ta gueule. Oh, ce LOL qui est venu du tréfonds des enfers. Ah ouais, mais celui-là... franchement, je le laisse celui-là. Hein. Il va le mettre en gros. On pourra conclure la vidéo là-dessus, tu sais. C'est ça. Limite, ça va faire un bruit jingle, tu vois. Mais voilà. Mais moi, je me surprends à jouer Extreme Dash au lieu d'Extreme. Ah, mais non, mais oui, mais c'est complètement normal. T'as un driver plus serré que celui d'origine, pourquoi tu jouerais celui de base, enfin tu vois. Oui, bien sûr, ouais. Mais voilà, du coup vous avez notre avis par rapport au level chip, au driver dash et toutes et tout ce qui est dash. Voilà, Mais du coup, voilà, on va parler maintenant de la nouvelle... Enfin, elle n'est pas encore sortie, mais vous allez comprendre pourquoi on en parle. La nouvelle Dead Phoenix Zero Atomic. Ah oui, ok. Du coup, voilà, le layer, on ne sait pas encore ce que ça va faire. À la seule différence qu'on sait qu'il y aura une Revive Armor, on ne sait pas comment vraiment elle va fonctionner. Mais voilà. Une Dead Armor, du coup. Ouais, une Dead Armor, j'ai vu trop peu d'infos là-dessus pour vraiment en parler. Ouais, voilà, pareil. Mais voilà, toujours est-il que elle a le disque zéro et le driver atomique. Donc voilà, que on vous en parle parce qu'on sait qu'elle est là, on sait qu'elle va arriver. Mais voilà, c'est des pièces qu'on a déjà vues. Zéro est un disque très lourd et qui a déjà été sur des types défense comme Emperor Forneus. Et Atomic est aussi un driver de type défense qui a fait plus que ses preuves. Donc voilà, sur ce coup-là, moi je trouve que la composition de cette bay est intéressante. Elle n'est pas incohérente, ça c'est sûr. Mais non. Bah, c'est du déjà vu, quoi. C'est ça le problème. Dommage. Après, moi par contre, tu vois, je l'aurais pas. Enfin, tu vois, je regarde le layer et par contre, moi qui suis un joueur de défense, je sais pas, ça m'inspire pas la défense, tu vois. Ça me rappelle beaucoup en fait la Revive Armor qu'il y avait avant. Mais ouais, avoir le layer en entier, ouais. C'est sûr. Ouais, alors, en fait, c'est ça, faudrait voir la gueule qu'elle a. Excusez-moi, j'ai eu un problème d'internet. Ah, c'est pas grave. On a pas vu. Déjà, merci à vous. Phoenix de base, c'est le type défense aussi, donc. Oui, voilà, oui. Mais. Je l'ai pas ressenti, quoi. C'est sûr. Enfin, elle est présentée comme, mais. Ouais, je l'ai pas vu comme. À la gueule. Non, mais c'est vrai que c'est aussi une remarque que je me faisais avec Revive Phoenix, et notamment avec l'animé qui a aussi pas mal joué. c'est une type défense, cette paye. Genre, vraiment. Ah, ça parle de Phoenix. Ouais. Tu regardes là. Ah, ok. Ouais, lourd. Dans l'animé, elle défend pas. Elle fait tout sauf la défense. Non, mais parce que. Sinon, on en parle dans l'animé, son coup spécial. Enfin, pas son coup spécial, mais son truc chelou là qui fait qu'il coince l'abeille avec son. Non, c'est bon. L'armure qui tombe dessus et qui te fait un pressing avec l'abeille. On en parle de ce combo sandwich là. Non, ça va aller. Revive Armor Press. C'est n'importe quoi ce coup spécial. Mais moi. Et pour ceux qui disent, ouais, Metal Fight, c'est what the fuck, redescend. Vous allez redescendre des lignes. Ouais, non mais Metal Fight, c'est irréaliste, elle rend pas fou. Mais du coup, voilà, pour le coup, personnellement, je regarde les Revive Phoenix et je regarde Dead Phoenix, je trouve quand même que Dead Phoenix, le layer, est un peu plus rond. C'est pas toujours... Oui, ah bah oui. C'est pas toujours défense-défense, mais c'est un peu plus rond. C'est la partie Hades du truc, en fait. En fait, je pense que la partie extérieure ressemble plus à Hades qui est ronde de base. Ouais, mais il y a les espèces de points jaunes qui me font penser aussi à Hades, là, oui. Je suis d'accord. Ouais, les petits boulons, ça fait un peu le côté Hades. C'est ça, ouais. Mais voilà, mais oui. Après, le Hades, quand même, on le voit moins facilement que le Phoenix. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'elle s'appelle Dead Phoenix, du coup. C'est parce qu'il y a le côté Dead, de Dead Hades et Phoenix. Bon, vous avez compris. Yes, on a le Phoenix mort. Mais du coup, enfin. C'est pas possible. Merci Google Traduction. Non mais c'était par rapport au côté du fait un phénix, ça redonnait de ses cendres, ça peut ressusciter. Bon bah là, il est. Voilà. Il est mort, ça fait pas de sens, c'est bon, c'est pas grave. Il est mort, le pigeon est KO. Mais quand on regarde la première Revive Phoenix, moi, enfin, quand je regardais le layer tel quel, il m'inspirait soit, enfin, deux types, soit l'endurance, soit l'équilibre. Et quand je regarde le nouveau de donc Dead Phoenix, moi, je vois surtout endurance. Ouais, bah c'est. Seul en tant que tel. Après, c'est juste ma version de. Enfin, comment après, j'interprète. Après, bien sûr, c'est quand on la voit visuellement. Attendez, mais j'ai fumé ou genre les parties métalliques, genre il y a une tête de phoenix avec genre les ailes. Oui. Bah oui. J'ai juste pas capté. Non, mais sur les côtés, je parle pas du centre. Ah merde. Ah, ça pour le coup, j'avais pas vu. Genre au niveau des flèches jaunes à droite, oui, putain, tu vois une tête de phoenix avec deux ailes. C'est le haut du crâne du phoenix, putain, bien joué. Bien joué aussi, bien sûr. Ouah, bien joué. Moi je pensais qu'effectivement on voyait la tête, genre une tête un peu genre vénère de côté. C'est ça, mais oui, en fait c'est. Oh, c'est stylé. J'avoue. Oh, oui, ouais. Mais par contre, putain, mais oui. Vous voyez que ça sert des fois de pencher la tête. J'ai vraiment penché la tête pour me gratter l'oreille. Hashtag Tsuna qui fait des cons allongés, quoi. Après, c'est le truc. Je pense pas qu'elle aurait la même tête sans son armure. Tu sais, Phoenix sans son armure, c'est juste des petites ailettes, c'est tout rond. Mais... J'espère qu'elle n'a pas la même gueule derrière, ça serait dommage, quoi. Mais en vrai, par contre, pour revenir sur ce que tu disais, Playmaker, justement, par rapport à l'imagerie que donne l'animé des Bay, je trouve encore une fois que Dead Phoenix, le non-sens, est particulièrement beau. C'est frère. Tu peux faire quelque chose en vrai, mais c'est juste, je trouve ça dommage. Totalement. Excusez-moi, mais du coup, les deux flèches du haut et du bas, on dirait un autre crâne aussi, donc est-ce que ce serait pas la tête de Hades? C'est possible. Si, mais j'ai une interprétation par rapport à ça. Dead Hades appartient à Earth. Oui. Revive Phoenix appartient à Phoenix. Hades représente la mort. Revive Phoenix appartient à Phoenix. Oui. À Faï. Oui. Une pupille de la mort, une pupille de la vie. Et quand on sait que les deux propriétaires sont frères dans l'animé. Ah oui, mais c'est particulièrement beau. Hein, je... mais c'est... Oui, oui, oui. Faï est ton frère, donc ça a du sens. Mais voilà. Enfin, ah, d'un point de vue, oui, pour le côté story, oui, effectivement, il y a... Il y a matière à faire. Ouais, c'est clair. Donc, ils se sont rencontrés pour l'instant. Donc, mais voilà, ouais. Bah, du coup, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur cette veille, à moins que... Non, moi, je pense, bah, pour l'instant, on n'a pas assez d'infos, moi, je trouve qu'on en parler plus que ça. C'est sûr, en fait. C'est sûr, ouais, voilà. Et voilà, c'est passé comme ça, on a l'image officielle, voilà. Voilà, et maintenant parlons du sujet le voilà. plus croustillant de cette news. Alors là vous voyez. Il y a des pigeons. Attendez. Là, il y a encore voyez... moins d'infos, on va beaucoup plus parler. Ah bah clairement, là on est à 1h05, vous voyez. Si l'émission n'est pas finie dans 3h, je m'appelle pas Vegas. Il se coupe une couille. Il suce tous les boobs de Paname. Appelez Mohamed Eni, on se Tsuna, sûr. Tsuna, ad friendly. Oui, c'est vrai, ad friendly de quoi? Moi, bon, pas, j'ai pas signé le contrat. Mais voilà, du coup, on va. Résumez vraiment ce qui se passe purement factuellement, ne vous énervez pas, parce que... Moi, je propose juste qu'on laisse un silence et qu'on mette l'image aux gens, voilà. Alors, et on leur laisse un petit temps de réflexion. Non, mais après, il faut aussi expliquer le texte, tout ce qui se dit. Donc, vous voyez, là, on est sur le, on était sur le Korokoro Aniki de février, comme je disais. L'hiver. Ouais, voilà. Et du coup, ça, on avait une page qui nous parlait des Bakuten Shoot, etc. Voilà les différents combos que tu peux faire avec Dranzer Flame version rouge. Ok. Ah mon dieu, MFP ah, ah. Attends. Allez, je... voilà, comment il a tout spoil. On a un petit bandeau tout en dessous où on a la date précise du début de l'animé de Beyblade Metal Fight au Japon. Avec, j'ai fait quelques traductions avec des différents traducteurs que j'ai pu voir sur internet. J'ai vu qu'il y avait le mot retour et ouais. Avec une L. Une L. Alors, donc, du coup, un verre d'eau. On va mettre les choses au clair tout de suite pour tout fan de Beyblade qui a commencé avant Burst. Ça sonne clairement comme une référence directe à Metal Fight. Ça, c'est, bah oui, c'est mais il y a la date de l'anime. Pour moi, voilà. C'est déjà, c'est ouais. même pas à tergiverser. Autre argument, 2019, c'est pas de conneries, c'est l'anniversaire des 10 ans de l'anime Metal Fight. Oui, c'est ça, oui, bah oui. Vu que... Oh, ça tombe bien. Mais du coup, voilà. Comme qu'il est par hasard. Mais du coup, voilà. Par contre, truc intéressant, c'est que Playmaker est justement allé demander à Maruti, donc l'auteur de cette vidéo où il nous a filmé le Korokoro. Il nous a dit. Même lui, il est pas sûr. Il nous a dit littéralement. C'est libre, c'est ultra libre d'interprétation. C'est ultra c'est ça, flou. C'est on n'a pas de truc concret. Donc ne vous enflammez pas pour l'instant. Il n'y a rien de décidé. Il n'y a pas de retour de série. Il n'y a pas de Beyblade Metal Fight Rising. C'est pour l'instant, c'est juste un bandeau sur un Korokoro avec des références qui sont très explicites et qu'on comprend, on va pas se mentir. Oui, mais, bah oui. Mais sachez que pour l'instant... Metal Fight, la date de l'anime originale avec lequel Metal Fight est arrivé, et l'aile, bon bah, Pegasus, hein, voilà, là-dessus. C'est ça, mais voilà, donc, clairement, on est là ici, c'est pour discuter des potentiels... on va faire des hypothèses, c'est les potentielles choses qui peuvent arriver, mais sachez une chose, je préfère le préciser avant qu'on ait des gens en commentaire, il se peut qu'il y ait rien. Il se peut qu'il n'y ait rien qui arrive. Ouais, il se peut que ce soit un truc qui soit balancé dans le vent comme ça. C'est... Oui, il se peut juste que ce soit genre un événement spécial au Japon, une sorte de loterie pour célébrer les 10 ans de Metal Fight. Ne partez pas dans des délires. Oui, c'est le retour de la saison de Metal Fight, etc. Moi personnellement, je trouve. Ça se trouve, ça va juste être une rediff au Japon de Metal Fight, mais juste une rediff. C'est ça, voilà. Une rediff anniversaire, ça se trouve, c'est juste ça. Mais voilà, mais dites-vous que pour l'instant, il n'y a rien de fait, il n'y a pas d'annonce officielle. Donc voilà. Mais du coup, vous, alors moi je vais exposer mes théories, vous exposerez les vôtres. Du coup, vous, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver? Qu'est-ce que pour vous, il y a des idées qui vous viennent en fait? Bah, pour moi, ça me semble être une suite logique. Ils sont allés repêcher les joueurs des toutes premières Bakuten, voilà, en rééditant la Bakuten Shoot. Pour moi, on suivrait un fil logique en rééditant les Metal Fight en version Burst. C'est sûr, ouais. Je suis d'accord. Avec, avec bien sûr, comme pour Bakutetsu, une réadaptation. Il y a certaines pièces, ce ne sera pas exactement les mêmes. Genre, Stamp Pegasus, admettons qu'ils adaptent Story of Stamp Pegasus, il y aura Extreme ou Extreme Dash. Mais ils vont te mettre Wing ou un disque qui ressemble en termes de disque. Et voilà. C'est ça, et voilà. Puis, par contre, les drivers, et pour moi, c'est sûr, les drivers, ils seront obligés parce qu'en plus, si tu regardes les premières notices de Beyblade Bird, ils précisaient non, faut surtout pas jouer avec les Metal Fight. Oui. Enfin, c'était marqué, ne pas le faire. Donc, pour moi, c'est sûr qu'ils vont réadapter. Pour moi, en plus, comme avec Shozed, on a vu l'apparition de Metal sur le dessus des layers. Voilà. Ça me semblerait pas déconnant. Je pense qu'il y aura du Metal dans le truc qui adaptera la roue de fusion et que tout le reste sera en plastique. Si jamais. Comment il s'appelait en Metal Fight? C'était le Spirit Ring, c'est ça? Non, la lame d'énergie. La lame d'énergie. La lame d'énergie, ouais. L'anneau. Voilà, là-dessus, tu mets le métal en fait sur le dessus, hein, comme pour une chose Z, et puis après la roue de fusion est en plastique. Voilà. Ouais, mais après c'est ça le seul problème que j'ai, moi, c'est que l'anneau d'énergie en fait était censé être en plastique et la roue de fusion en fait, donc le machin qui tapait, était censé être en métal. Du coup, en fait, si on inverse les trucs, ça dénature un peu le truc et la référence, parce que c'est ce que je t'ai dit à l'époque où ils avaient fait les Bakuten Shoot version Burst, c'est que les deux sont vachement similaires quand même. Alors ok, Dragon S n'a pas la tête de Dragon S Burst. Mais tu capes le truc, tu vois. Alors que Metal Fight, ça me semble bien plus ardu. Ça va être plus ardu, mais je pense qu'encore une fois, l'objectif est plus sentimental. Oui, bien sûr. Que réellement, voilà. En fait, on va te dire, c'est la Pegasus Burst, d'accord. C'est pas ta Stamp Pegasus, quoi que ce soit. Elle lui ressemble, c'est pas elle, mais au moins tu peux rejouer avec une qui lui ressemble. C'est ça, puis même ça fera du coup une Storm Pegasus dans Beyblade Burst qui pourra jouer contre, je sais pas moi. Non, puis de toute façon, on sait tous qu'ici on va être en mode full pigeon et qu'on va l'acheter parce que lol, nostalgie. Mais c'est sûr. Oui, ou juste pour. Parce qu'on fait des vidéos sur le Beyblade et qu'on a besoin de faire des unboxings pour vivre. Ah oui, non, mais rien à voir. Genre, c'est juste que, genre, moi, les Bakuten Shoot, tu vois, elles m'intéressent. Moi, j'aurais pas fait de vidéo. Burst, mais pas trop. Moi, j'aurais pas fait de vidéo. Il y aurait eu la Stamp Pegasus en Burst, mais j'aurais sauté dessus. Hein. Évidemment. Mais moi aussi. Non, mais après, voilà, parce que la passion prend le dessus surtout. C'est ça. Mais voilà, mais du coup, moi, personnellement, ça me semble l'hypothèse la plus probable, c'est qu'ils nous fassent un Metal Fight Beyblade Rising. Avec des retours de Pegasus et toutes les belles versions Burst. Et avec Beedlings en Burst. Moi, je veux Beedlings en Burst. Mais du coup aussi, avec des chapitres du manga et qui, j'espère, comme Bakuten Shoot, ne vont pas être canon. Parce que, je vais pas vous mentir, autant d'un Bakuten Shoot, je trouvais ça mais tordu que les mecs veuillent changer leur bail pour avoir des bursts, donc avoir littéralement un désavantage par rapport aux précédentes. Autant, pour Metal Fight, t'arrives, tu me dis, oui, Jingle a volontairement pris une toupie plus légère et qui explose, donc qui a un désavantage par rapport aux anciennes. Scénaristiquement, va falloir me trouver quelque chose, quoi. Mais en tout cas, si c'est fait par Takafumi Adachi, moi je pense que j'ai bon espoir, le mec il y arrivera. Pondre un truc comme quoi les étoiles sont devenues maudites. J'ose le dire, mais si Takafumi Adachi reprend même histoire de 2-3 chapitres, les fans de Burst, vous allez être en sueur. Hein. Enfin, je prends clairement parti. De notre point de vue. Je prends clairement parti. Hein. Non, mais c'est sûr qu'en termes de complexité de scénario. Tellement cher. Mais bon, voilà. Mais d'un autre côté, je veux dire, en termes de scénario, c'est pas parce que nous, les bails avec lesquels on joue sont en plastique que le manga se doit d'être en plastique. Regarde les premiers épisodes de Bakuten Shoot, on joue avec des toupies plastiques. Pourtant, quand tu les regardais dans l'anime et tout ça, elles faisaient des étincelles. Oui, c'est sûr. À aucun moment dans l'anime, il y a marqué que c'est du plastique. Oui, bien sûr. C'est vrai que avoir même un manga... quand il les sort des boîtes, il y a les grappes façon maquette. Après, c'est vrai que moi, avoir un manga ou un anime, parce que je vais en reparler par la suite, pas forcément raccord avec ce que t'as du produit. Bon, ça me dérangerait pas. ça ne dérangerait pas. Bah non, à partir du moment où les toupies font des trucs fantastiques, je m'en fous royal. Voilà, c'est de la fiction, c'est de la fiction. Voilà. À la limite, tu m'aurais posé la question avec le début de Burst, tu vois, quand il y avait un truc, on disait, ouais, vas-y, c'est raccord à la réalité, en fait, c'est un manga réaliste sur le Beyblade. Là, c'est un intérêt, parce que c'est un intérêt technique et intéressant. Voilà, et parce qu'il y a besoin de s'identifier dans ces moments-là. À partir du moment où tu pars dans le fantastique, je m'en fous, tu sais, elle peut être en or, elle peut être en cure-dent, la toupie, je m'en fous. Non, mais puis surtout, peut être en camembert, tu vois, on s'en fout. Mais voilà, mais du coup, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il nous fasse la même chose. Remarque, tu me diras, dans Bakuten Shoot, il y a bien une baie qui était faite en laine, donc dans l'anime. Avec de laine, oui. Effectivement, on s'en rappelle. Et je pense pas qu'elle est en mode. Non, moyen. Mais voilà, mais du coup, moi, je vais parler d'une hypothèse. On va tous me taper dessus, mais putain, si ça arrive, les gars. Vas-y, gros, je prépare les points. Je deviens la plus grosse pute de YouTube, je fais des reviews chaque semaine. Non, hot friendly. Non, mais là, c'est sur moi, ça va. Bref, mais du coup, c'est que Beyblade Burst, chose Z, c'est. Gros, non. Arrête. Laisse-moi crois savoir que je vais en venir, j'ai peur. Au niveau de l'anime. C'est la suite de la saga de Vald, donc c'est potentiellement la fin, et quand on voit vers où se tourne le scénario, ça a l'air d'être cette direction. Au niveau des produits, ils commencent à nous sortir les bursts qui ne burstent pas, donc potentiellement le truc le plus craqué. Pour moi, Beyblade Burst, ça me semblerait pas impossible que la série touche à son potentiel terme, peut-être pour pas longtemps, mais peut-être qu'ils vont stopper Burst, dire ok, bah pour l'instant on a fini avec Burst, on s'arrête à là, on va peut-être reprendre Metal Fight, parce que faut savoir oh mon Dieu, c'est non. Que Metal Fight c'était assez prisé au Japon, c'était pour sauf la saison 4, sauf Zero. Non mais mec, quand tu sais que Metal Fight Beyblade c'était la série qui s'est le mieux vendue de toute la saga. Oui, mais Zero G était destiné. Et avec Zero G, mais Zero G a pas fait baisser la hype des fanbase. Mais voilà le truc. Non. Et surtout aussi, c'est que Takefumi Adachi, donc le mangaka, a surtout dit que même s'il avait fini son histoire, qu'il pour lui avait semblé tout avoir conclu, il lui restait quand même des pistes à explorer. Donc peut-être que, sans parler forcément de suite ou quoi que ce soit. Il me fait rire, Pega, parce que tout à l'heure, lui, il avance son hypothèse, puis il rajoute des peut-être à chaque phrase de l'explication. C'est ça. C'est tout le principe d'une hypothèse, tu vois. Bah oui, bien sûr. Non, mais. je pourrais dire que peut-être qu'il se pourrait bien qu'une fois que peut-être. Et voilà. Toujours est-il que Adachi avait des pistes de scénario à explorer qu'il n'a pas pu, bah, pour les contraintes qu'a cité Playmaker, c'est que la série avec Zero G a plongé au niveau des ventes. Ouais. Et du coup, forcément, ça a dû s'arrêter. Et du coup, ça a redémarré avec Burst. Mais du coup, peut-être que si. Arrête. Du coup, ça va sûrement redémarrer avec un retour de MFB et avec la date de l'anime, les 10 ans et tous les éléments que j'ai cités précédemment, donc la fin potentielle de Burst, ça me semblerait pas incohérent. Par contre, attention, c'est quelque chose de gros, d'assez osé. Moi, je tape pas là-dessus, mais si ça arrive, je suis à l'aise. Moi je dis pourquoi pas, ça va pas me. Je serais pas déçu ou autre, hein. Ce serait un choix comme un autre. Après, je t'avoue que ça me semble encore peu probable. Après, maintenant, seul l'avenir nous le dira. Aussi, ou alors, attendez, plus simple, j'en serais des Pégas, mais un spin-off en format court, genre 10 oui, minutes. Pas. Mais par contre, un truc, juste un truc. Ouais, si les deux séries elles commencent à faire des crossovers ou je sais pas quoi, non. Non, pas des crossovers, j'étais en parallèle. Ah, non, mais oui, mais si ils commencent à faire des spin-offs avec la série Burst et MFB, moi je. Non, pas un crossover, mais genre une mini-série en parallèle, l'histoire de. Oui, mais comme Rising, ouais. Comme Rising, ouais, mais en animé. Ah, en animé, par exemple. Sur 10 minutes. Vu que c'est la date de l'animé, c'est vrai que ce serait logique. C'est vrai. Oui, tu fais des trucs, genre, ils sortent ça sur YouTube tous les samedis par exemple, histoire de dire voilà le retour d'MFB, des petits épisodes sympas, et Burst continue. Enfin, si ça continue, voilà, pas besoin de chercher plus loin. Oui, après, sûr. Oui, si ça reprend. Moi j'aime bien Berserk, ça te fera un peu chier, mais si MFB revient, je dis pas non. Non mais voilà, mais. C'est le bordel pour les produits. Si MFB revient, vous me voyez tous les samedis sur mon canapé avec des pop-corn quoi. C'est ah, tout. Mais, ah mais mec, mais tu, je suis avec toi dans ton canapé en train de faire des rimes. Non mais mec. En direct. La VOSTFR, vous allez voir, mais vous allez me voir avec des cernes de 3 mètres. Hein. Mais c'est pas grave. Le mec en fait, il va me faire la VOSTFR en direct, il va tout écrire sur un papier, il va le mettre en dessous de la télé. C'est bon, t'arrives à lire? Ah ouais, non mais c'est mort, hein. Sachez-le. Si MFB revient, ce sera le bordel pour les produits, les jouets. Non mais après, c'est. Je pense que si MFB revient, je me demande si du coup ça signe pas l'arrêt de Burst en fait. Après, j'en sais rien, mais. Ouais, après, oui. Ça... Après, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une nouvelle série slash saison, c'est pas trop, qui sort en avril. Donc, Ouais, voilà. Alors, ce qui se passe là, ouais, mais enfin, ça avait l'air d'être confirmé comme étant une nouvelle saison, chose Z quand même. Ouais, c'est ça. Non mais c'est ça le truc, c'est que. On peut rien prédire, on va pas se mentir. Ouais, là, pour l'instant, comme je vous dis, c'est un bandeau avec une date et une aile. C'est référencé, c'est sûr. C'est référencé, non mais voilà, et c'est estampillé Metal Fight, c'est sûr. C'est un mais voilà, c'est Metal Fight, une date, une aile. On peut pas en dire plus quoi. Donc pour nous, vraiment. Mais encore une fois, on a zéro info et c'est de ça qu'on parle le plus. Et vraiment, nous, si on veut vous dire quelque chose, c'est attendez. Attendez vraiment qu'il y ait des annonces, qu'il y ait des pubs officielles, des vidéos sur la chaîne de Takaratomi ou autre. Attendez plus de choses, ouais. Parce que là, c'est trop peu d'informations. C'est trop peu pour beaucoup. C'est génial, tu viens de dire à nos viewers qu'ils ont maté une vidéo d'une heure pour entendre qu'il faut qu'ils attendent. Est-ce qu'on n'est pas les plus gros escrocs de l'univers? Bah moi à ce stade là j'appelle ça des douilleurs tu vois mais au moins tu vois je mets pas le passage le plus hypant de la vidéo pour le mettre au début et après te taper toute la vidéo d'une heure donc ça putain après, bon. Une heure et demie hein, vous allez la bouffer cette vidéo hein. Sachez-le. Ouais mais j'espère que ceux qui sont arrivés là d'un coup genre tu sais sans avoir fait de pause dans la vidéo franchement je sais pas comment ils ont fait parce que gros moi j'aurais fait des pauses moi-même. Vraiment après... parce qu'en tant que 4 connards discuter c'est chiant quoi au bout d'un moment. Il y a un autre événement qui arrive au Japon en ce moment-là, c'est que ils vont... Bon, ça n'a aucun rapport, hein, mais en avril, ils vont changer d'empereur au Japon. C'est un truc assez historique. Non mais attends l'empereur, il va rien faire. Beurre, ça pue. Je veux MFB. Non mais c'est vrai que l'empereur au Japon, c'est un dieu. C'est littéralement... Oui, mais oui. Ça. Non mais voilà, ce serait pas étonnant. Après, il a quel âge le nouvel empereur? Non, parce que si c'est un 2000, effectivement, il va réclamer MFB. Non, c'est pas un 2000, non, c'est un âge. Je me sens insulté. C'était bien placé en même temps, j'ai mal. Oui, c'est ça, genre, t'as envie d'applaudir en même temps, tu mets un peu de vaseline sur ton fion. Parce qu'en fait, ouais, l'empereur actuel, il est trop vieux, du coup, il a décidé qu'il allait quitter le trône en avril. Du coup, ça, c'est un peu comme un changement d'air au Japon. Enfin, c'est littéralement un changement d'air. Donc l'ère actuelle va se terminer, il y aura une nouvelle ère avec un nouvel empereur. Et c'est un truc assez historique au Japon. Mm-hmm. C'est pas tous les jours que ça arrive. Hein. Et il y a chacun des séries, des animés, notamment, je vais faire chier avec ça, et Super Sentai, qui en parle que de ça, par rapport à ce changement d'air. Ouais. Peut-être que Beyblade va faire un événement par rapport à ça, je sais pas. On sait pas. Ouais, parce qu'avril, c'est quoi ce point ? Avril, c'est le début de la saison 4, techniquement. Ouais. Ah ouais, c'est donc peut-être qu'ils vont faire un truc, hein, je sais pas. Mais après, tu vois, c'est ce que je pense que personnellement, moi, tu me donnes la date de l'animé de MFB, je pense que je vais rejoindre ton idée. Ils vont peut-être sortir une petite série annexe à côté, tu vois. Mais c'est possible. Parce que pour le coup, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. L'anniversaire de MFB, ça fait un moment qu'il est passé. Hein. Le manga. Le manga, ça fait un moment. Le manga, pas l'animé. Oui, mais voilà. Oui, pas l'animé. Du coup, s'il fait de l'anniversaire de MFB avec la date de l'animé, forcément, il va falloir que ce soit raccord avec un truc de l'animé. Quoi. Ils peuvent pas faire un truc avec. Ça serait un peu con. Bah ouais, voilà. C'est. Donc, parce que le manga, perso, les gars, ce serait pas totalement con, tu sais. Il suffit juste, le projet est en cours, ils ont eu l'idée, ils sont en train de mettre les choses en place, ils ont pas eu le temps, ils ont pas pu tout finir pour la date anniversaire de MFB. Bah, ils se rattrapent en disant, bah, tant pis, on fait que la date anniversaire, tu vois. L'idée, c'est de montrer qu'il y a un symbole, c'est de créer une sorte d'événement promotionnel, tu vois, pour hyper les gens. Ouais, c'est sûr. Mais après, je trouve qu'au niveau cohérence, ça collerait quand même plus. Ouais, avec, c'est vrai. Pas si fou, un truc, les gars, on est au Japon, merde! Par contre, s'ils font un truc dégueulasse, genre une Valkyrie couleur Pegasus, je pleure. Ouais, là par contre, déjà, je te brûle toi en premier parce que c'est toi qui as émis cette hypothèse. Après, je vais au Japon, je brûle tout le monde. C'est une hypothèse, je dis ça parce qu'ils l'ont déjà fait avec d'autres pays. Genre, ils ont fait une Valkyrie couleur Excalibur et une Aquiles couleur Valkyrie. Ils l'ont déjà fait. Oui, mais ça, je trouvais ça stylé encore. Mais Non, mais c'est intersaison. C'est dans la saison. C'est un truc qui a tout le temps été fait. Regarde, quand Burst est arrivé avec les single layers, le premier truc qu'on a eu en booster après les 4 premières, c'est les mêmes 4 premières avec les pièces mélangées entre elles et des couleurs qui sont inspirées des autres. Oui, mais voilà. Ouais. Mais... J'espère pas, hein, mais bon. Tout ça pour dire. Alors moi, je les ai achetés comme un gros pigeon parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que ça à acheter, de toute façon. Ouais, bah oui. Le mec a rebondi. Bon, voilà. Non, mais voilà, mais tout ça pour dire ma gueule, c'est bon. Tout ça pour dire que s'ils nous font un truc tout pété, genre comme a dit Playmaker, juste ils modifient des couleurs. Je chiale tellement. Ça je chiale et je regrette la parole. Vous verrez en PLS. Arrête, YouTube. Storm, nimp. Mais bon, voilà. Du coup, je pense qu'on a parlé à peu près de tout. Ouais. Bah je pense qu'effectivement on a bien fait le tour et que la vidéo doit être assez longue comme ça. Ouais, le montage va faire plaisir. Hein. Ouais. D'ailleurs je pense que c'est moi qui vais la poster sur la chaîne et puis tout le bordel. Hein. Je me démerderai. Bref. Je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Oui. J'espère en tout cas vous, les abonnés qui ont tenu jusque là, que cette petite émission vous aura plu, que ce petit début vous aura plu également. Donnez votre avis en commentaire, c'est là pour ça. C'est aussi le concept de l'émission, l'interaction. Chacun donne son avis, chacun parle un peu. Et je trouve dans la joie, la bonne humeur et le respect d'autrui. Ouais, mais exactement. Non, mais vraiment. Il faut être ad-friendly. Non, mais sans parler d'être ad-friendly, tu vois, genre vraiment donner son opinion, de comprendre un peu les points de vue des autres. Puis peut-être qu'on apprendra chacun des autres. Bah moi, enfin, je pense que ici il y a personne qui me contredira quand je dis que le Beyblade c'est ça quoi. Regarde juste Tower. Moi j'ai arrivé tout à l'heure, j'ai fait moi les gars, j'ai rien trouvé de bien à faire avec Tower. Et là vous êtes deux à me dire non moi j'ai fait des trucs assez fun. Et toi en plus Pega t'as dit un truc qui est vraiment qui a l'air d'être vraiment pas mal. Bah maintenant j'ai qu'une envie me battre avec toi avec ton combo Tower et pourquoi pas de m'en inspirer pour créer ma propre Bey avec Tower tu vois. Ouais, j'imagine. Ouais mais voilà mais c'est je trouve vraiment que pour un début d'émission ça a vraiment été assez convivial. Voilà, on s'est tous amusés. Bon, on a un peu dérivé, je vous l'accorde, mais dans l'ensemble, je trouve que on a été. Ouais, je pense que si on doit essayer de. Enfin, voilà, on peut juste essayer d'améliorer notre efficacité, quoi, être beaucoup plus concis pour les prochaines. Et oui, je pense qu'on peut obtenir un truc qui est vraiment sympa. Un format. D'ailleurs, frère, ça serait cool que tu mettes genre ça un sondage pour demander aux gens combien de temps de vidéos ils voudraient, tu vois, genre ouais, bien sûr. Entre 30 et 40. Je fais ça, je balance ça, je fais ça dans la communauté. Eh ben nickel, ok. Mais pareil, hein, cette vidéo, comme elle sort sur la chaîne YouTube de Beyblade Espace pur et dur, je la leakerai, tu sais, dans mon onglet communauté. Ouais. Ça, elle est pas sur ma chaîne, mais les gens voient qu'elle existe. Mais voilà, mais. Non, je vais faire la même, de toute façon. Bah, je pense qu'on va tous faire la même. Je pense que moi, je vais faire carrément une vidéo pour vous dire, regardez, il y a une Playmaker parce qu'ils ont pas accès à l'onglet, miskin. Non mais moi je vais être encore plus violent, je vais arriver, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo. Ah oui mais je vais liker, je vais mettre le lien et puis voilà. Mais voilà, en tout cas on vous invite à aller checker Beyblade Espace pour des news un peu plus concises et plus directes, plus objectives aussi. Sinon on espère que ce petit pilote vous aura plu, n'hésitez pas surtout à donner votre avis concernant... ce qu'on pourrait faire en commentaire, ça peut être assez intéressant. Puis moi, ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous, c'était très intéressant. Et bah de même. Mais de même, écoute, j'ai passé un excellent moment. Oh bah pareil, mais voilà, franchement, moi je trouvais ça aberrant vraiment, parce que je regardais justement des vidéos de Smash Bros. Où il y avait justement des tables où on parlait des nouveautés, etc. Je me disais, putain, Beyblade, il y a des trucs à parler, il y a des nouveautés, et il n'y a pas d'émission comme ça, où il y a des débats, des conversations. Du coup, j'ai vraiment voulu lancer ce concept, et je pense vraiment que ça peut être intéressant. Je trouve que c'est une excellente idée. Tu as eu vraiment raison de nous inviter à faire ça. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'avenir, il faudrait qu'on fasse genre cette vidéo, ce type de vidéo, avant qu'on poste la news, donc du coup, genre, tu sais qu'on mette aussi la vidéo dans la news sur Beyblade Espace, tu vois. Ouais. Bah, après, on peut modifier les news et mettre le lien, etc. Oui, bien sûr. On peut toujours la rajouter après, bien sûr. Mais bon, voilà, la vidéo dure déjà depuis assez longtemps. Vous pouvez nous retrouver chacun sur nos chaînes respectives. Je sais pas si je pourrais tous les mettre en annotation, du coup je les mettrai en description. Moi je l'ai déjà fait, mais plein de chaînes, t'en mets une dans chaque coin, tu mets une passion dans chaque coin, ça devrait le faire. Ok, bah, nickel. On vous invite à vous abonner à la chaîne de Beyblade Space pour ne rater aucun Beyblade podcast et peut-être d'autres émissions. Et activer la cloche, c'est important. Oh, putain. Rejoignez notre site, la page Facebook et le Twitter. Et puis, oui. Puis voilà. Hein. Bonne soirée, bonne journée à tous. Et puis, des bisous. Et bon Beyblade. Bon Beyblade. Soirée, amusez-vous bien, entraînez-vous bien. Gardez l'esprit du blader. Désolé.